C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Jimmy Thibaudeau nous montrera un Thibaut dossier sur l'actualité internationale avec C'est dans le monde que ça se passe. Et Gabriel Béhoud sera plutôt Gabriel Béhoudini en transportant dans le monde magique des coulisses de la lutte. Assemblage Reiki, avance tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 19 janvier 2016, 98 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ça va, Tania? Ça va très bien, merci. Oui, toi? Ben, ça fait plaisir de te le demander. En plus, ça fait plaisir que tu me le demandes et puis de te répondre que moi aussi, ça va bien. T'sais. Il fait frisquet ce matin, hein? Ça. On aurait pu aussi faire juste deux mots, ça va, oui, ça va, toi. Ça va. Exactement. C'est ça long. Mais, c'est correct. C'est comme une intro d'Assemblage Reiki, je mets trop de mots dedans. Ça rentre à peine. C'est sur notre chanson thème de Vanessa Paglietta en version performance acoustique live que commence l'émission d'aujourd'hui. Évidemment, il y a des nouveautés tout le mois de janvier. On a épuisé nos nouveautés en termes de chansons. On a épuisé presque nos nouveautés en termes de nouveaux chroniqueurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres nouveautés pour le mois de janvier pic. Hashtag janvier pic. C'est vrai. On est dedans, là. Il tire à sa fin, mais on est dedans. C'est ça. Je t'ai entendu dire hier, on est en février, quasiment. Mais c'est vrai, on est rendu quasiment le 20 janvier, là. Oui, c'est vrai. On a le deux tiers de fait. Il en reste pas beaucoup. C'est ça. Puis après ça, imagine, il reste juste 3 mois. Avant l'été. Oh! Hein, pense-y. Donc, à 8h aujourd'hui, Jimmy Thibaudeau va être avec nous pour sa chronique. C'est dans le monde que ça se passe. On parle d'actualité internationale, de choses qui passent un peu en dessous du radar, c'est-à-dire qui sont moins vues dans les médias. Donc, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, Gabriel Béhoud et la chronique Dans les coulisses à la huître. Il y avait un match hier entre les oranges et les rouges. OK. Donc, on va en parler avec lui à 8h30. Ben oui. Ta chronique à toi plus tard, Tania is gonna Titania. Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, Mathieu, comment je pourrais dire ça? Dans les décennies, dans le monde où on vit, texter, c'est comme une obligation maintenant. Mais il y a une science derrière tout ça qui fait en sorte que c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Hein? Et je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Ben voyons donc nous titiller de même, toi. Les messages textes. Je pensais que c'était fini, ça. Je pensais que c'était rendu Snapchat. Pas fini. Alors, on va aussi faire le bloc pub dans l'émission d'aujourd'hui pour parler un petit peu de marketing. Ça, c'est dans quelques instants. Mais avant de faire le bloc pub, voici une chanson de La Valérie. Pas une Valérie. Moi, non, c'est ça. C'est La Valérie. Et voici les enseignes au néon. Assemblage Reiki au 89 FM, c'est fou. Les enseignes au néon par la Valérie. La Valérie. La Valérie. The one and only. The one and only. Valérie. S'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, c'est bien une fille. Oui, comme en Valérie, effet, ça dépend. On essaie de nous les vendre à la télé, par contre, comme si elle vous allez attirer des gens du sexe qui vous intéresse par la publicité. C'est ce qu'on appelle le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Ah, ah. Le good. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. C'est le bloc pub où on parle d'idées de marketing, d'idées pour vous convaincre à acheter des choses. Commençons avec John Street, Montréal. Hein? Mm-hmm. John Street, Montréal, qui signe la nouvelle campagne imprimée de Mitsubishi. L'offensive, fait la promotion d'une des 100 nouvelles caractéristiques du nouveau Outlander 2016, c'est les déchiffreurs d'essuie-glaces. Ils ont vraiment centré leur campagne publicitaire sur juste les essuie-glaces. Ouais. Outre le plaisir, le doux plaisir, dit-il, de brûler les contraventions, nous sommes fiers de créer une campagne ici et de parler des caractéristiques innovantes entièrement adaptées aux hivers québécois. C'est sûr que c'est pas mal la seule chose qui les différencie au Québec. Je dois avouer. C'est quand même quelque chose. Donc, décrivons un petit peu les publicités. C'est des publicités imprimées. On voit, par exemple, un constat d'infraction du district judiciaire de Montréal. Et là, il y a au milieu de la cendre et du papier brûlé parce que les essuie-glaces chauffants sont passés dessus. Un menu d'une pizzeria avec une grande pizza à $14.45 chez Trattoria Delicioso. Évidemment, pas des vrais endroits. Ça dépend. Parce que la dernière publicité, ça existe vraiment. Le Kamsha Studio? Oui. Le studio de yoga? Oui, si je me souviens bien, c'est près de où est-ce que moi j'habitais. Ah ben, si c'est des vraies places, c'est encore plus intéressant. Mm-hmm. Parce que sinon, il y avait un magasin de meubles aussi, fermeture imminente. Donc, Outlander 2016 avec essuie-glace chauffant par Mitsubishi Motors. Ensuite, l'entreprise de sécurité automobile Sherlock a confié sa plus récente campagne à Bleu, Blanc, Rouge. L'opération met de l'avant l'avantage principal du système de marquage anti-vol. Elle nous dit InfoPresse, la campagne Vidange met en vedette des images de véhicules entièrement composés de poubelles et de conteneurs. Elle soutient la signature l'anti-voleur avec des chiffres à la place de certaines lettres, là, l'anti avec un 4 à la place du A, puis voleur avec un 0 puis un 3. En mettant en lumière le fait que le système de marquage anti-vol de Sherlock élimine aux yeux des criminels toute valeur sur le marché noir de pièces de voitures volées. Je cite, en 2016, Sherlock aura marqué et protégé près d'un million de véhicules depuis sa fondation. En travaillant à la prévention du vol automobile, nous travaillons à la source du problème. En dissuadant le voleur d'aller de l'avant, nous agissons directement sur les taux de vol au Québec. Donc, c'est ça, tu vois, camion, genre minivan, mais à la place d'être une minivan, c'est un container à poubelle avec un bac de recyclage comme nez de voiture. Et le reste, c'est pas mal la même chose sur... les publicités, c'est encore une fois de l'imprimer. Aucune valeur pour les voleurs grâce à nos 52 points de marquage. Et c'est de l'anti-voleur avec le petit crabe là, qu'on voit sur les voitures des fois. Je me suis toujours demandé c'était quoi ce petit crabe-là. Ben c'est ça. Ben c'est Sherlock. C'est Sherlock. Did not know that. Des clémentines envahissent le centre-ville de Montréal. OK. On a dit que c'était un beau surnom, je trouvais, clémentine. Ben oui. Donc des centaines de bonhommes de neige orange enjolivaient le centre-ville de Montréal récemment. Et l'idée vient de l'agence Kundari et vise à promouvoir les clémentines du Maroc. En décorant le centre-ville de bons hommes orange, l'opération Goûter le soleil représente pour l'annonceur une façon de rappeler aux Montréalais que les clémentines du Maroc se consomment de novembre à février et qu'il en existe de trois variétés, donc la clémentine fine, la clémentine nour et la mandarine nadurcotte. Je savais pas ça non plus. Arborant le petit losange noir Maroc et un foulard portant le mot clic ou la hashtag Clémentine Maroc, les bons hommes orange invitent le public à se rendre sur les réseaux sociaux et partager un concours pour gagner un voyage au Maroc. L'opération fait suite à une tournée dans des rues de Montréal menée en novembre dernier. J'avoue que j'ai jamais pensé à la provenance ou à la marque des fruits que j'achetais dans la vie. Hein. Mm-hmm. Fait que d'avoir un petit logo du Maroc sur les clémentines. Pour le concours, ça peut valoir la peine, mais sinon, je ne penserais pas à ça. Je ferais juste acheter des clémentines. Ouais, c'est vrai. On n'y pense pas. On n'y pense vraiment pas, en fait. Est-ce que tu as vu la plus récente campagne de Valentine? Non, il n'y en a plus. Hein? Ça existe encore, c'est ici, à Trois-Rivières, Valentine? Il y en a un aux Rivières. C'est tout, hein? Il y en a un sur Jean 23. Ah, OK. Ouais. que je connais. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je les connais pas. Ouais, moi non plus. Bref, Valentine et LG2 qui ont lancé une campagne télé et imprimée sur le thème de la non-culpabilité. C'est un format de 30 secondes. Les deux messages télé présentent des personnages qui s'appellent Pierre et Lorraine, dont les exemples rappellent qu'il y a d'autres raisons de se sentir coupable que de manger un hot-dog ou une poutine. Il y a aussi une campagne d'affichage présentement sur les panneaux publicitaires. Par exemple, le logo de Valentine sur fond blanc, en tout petit en bas, avec YOLO, en grosse lettre majuscule. Carpe diem. Bon, c'est saisissez le moment présent. Il aurait pu aller un petit peu plus loin que ça, mais quand même. On va écouter les publicités. Sûrement que vous les avez vues passer à la télé, mais je voulais qu'on les commente un peu parce que je les trouve particulièrement trash pour du fast-food québécois. Écoutez ça, voilà. Pierre éprouve un énorme sentiment de culpabilité en ce moment. Il est dans un restaurant assis, là, en train de manger. Mais ce n'est pas parce qu'il mange des hot-dogs. C'est parce qu'il vient tout juste d'écraser le chien de son voisin et qu'il a jeté le blâme sur son autre voisin, ça finit pas, Lionel. Là. Un sympathique vieillard, sourd et muet. Le hot dog est en spécial à 99 cents chez Valentine. Hey. C'est, il me semble que c'est trash un peu. Ouais, moi aussi je trouve. Est-ce que là t'es aussi pire? On va voir. Lorraine éprouve un énorme sentiment de culpabilité en ce moment. Elle est sur une banquette en ce moment. Mais ce n'est pas parce qu'elle mange une poutine. C'est parce qu'elle vient tout juste de déshériter ses deux enfants, Antoine et Stéphanie, au profit de son nouvel amant, Javier. Dealer. Cubain coquin. La poutine est à $5.99. On comprend, mais ça va faire parler, je pense. Oui, je pense que oui. Plus que d'autres campagnes de fast-food qu'on a vues où tout le monde est bien content. C'est vraiment le contraire d'une campagne publicitaire de fast-food qu'on est habitué de voir. C'est vrai. De voir, avec la grosse voix grave, de mon feu, Javier. Ne pas faire ça trop souvent. Cogeco Câble Canada devient Cogeco Connexion. Ils ont changé de logo. Et là, tu vas me dire, il me semble, ça ressemble pas mal à l'ancien. Ouais. Ben, c'est pas mal l'ancien, mais modernisé, disent-ils. Ah, OK. Épuré. Ouais, genre. Javier. Ce changement s'inscrit dans le cadre de l'actualisation des marques des unités d'affaires de la famille Cogeco, qui présente notamment sa nouvelle identité de marque unifiée. Nouveau nom... Cogeco Collection, qui vise à refléter l'évolution de l'offre qui s'étend de la vidéo à Internet à haute vitesse et à la téléphonie, en passant par les services de transmission de données et de la voix et des solutions info-nuagiques pour les entreprises. Ça met également en valeur la composante humaine qui accompagne le concept de connexion. Et là, TV Cogeco, tu connais TV Cogeco? Oui. Change de nom, toi. Ah, ouais. Ça va s'appeler, attention, oh, Révolution. Roulement de tambour. Cogeco TV. Hein? Hey! Les codes d'écoute, là, ça va monter en flèche. C'est incroyable! Modifications qui vont n'engendrer aucun changement aux activités de celle-ci, seulement le nom. Et l'unité, l'identité de marque, pardon, change un petit peu. Le Cogeco, le logotype Cogeco, les lettres sont plus arrondies avec un minuscule pour une raison que j'ignore. Et le C de Cogeco, qu'on est habitué de voir depuis les années, tu sais. C'est vrai, il y a comme juste le E qui est en nom. C'est ça, c'est un peu bizarre. Mais le gros C, oui, est un petit peu arrondi. Mais tu sais, je trouve que ce C-là, je sais qu'il est remarquable pour Cogeco, qu'il est vraiment important, mais c'est ça qui date le logo. Le logo avait pas l'air vieux à cause du nom Cogeco ou de la façon de l'écrire. Non, c'est à cause du C. C'est le C qui a l'air vraiment comme d'un vieux logo de genre de Radio-Québec des années 80. T'sais. C'est vrai. Et c'est pas en arrondissant un coin que ça va devenir plus récent, t'sais. Non. Mais bon, je comprends l'effort qu'ils veulent faire sur regardant l'historique de la marque. Donc, il y a Cogeco, en gros, qui est sur TSX sous le nom de CGO. Ensuite, il y a Cogeco Communication en dessous de ça, qui, Cogeco Communication, se divise en Cogeco Connexion pour le câble de distribution et Cogeco TV, qui est le nouveau TV Cogeco. Les services de données aux entreprises s'appellent Cogeco Peer One. Revenant à la base de Cogeco en haut pas Instagram, comment t'appelles ça? Pyramide, en tout cas. Là, il y a Cogeco Média et Cogeco Nouvelle. Le seul logo qui ne change pas, c'est celui de Atlantic Broadband. C'est leur service aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc, ils n'ont pas changé pour Cogeco, Atlantic Broadband ou rien. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est particulier. Il y a aussi une petite vidéo de vantage de marque. Tu vois, je savais même pas que Cogeco, en fait, avait de la câble de distribution aux États-Unis. Je me demande s'ils n'ont pas juste acheté une compagnie qui existait déjà. Peut-être, mais maintenant, ça leur appartient. Ça leur appartient. Donc, ils pourraient un jour devenir Cogeco, Atlantic Broadband. Ouais. Ça grossit, hein? Ça fait de plus en plus concurrence à un autre. Exactement. C'est ça. Et voilà. Voilà, pour Cogeco. Ensuite, Molson Canadian construit une patinoire au sommet d'un gratte-ciel. Un aménagement qui a été réalisé dans le cadre de sa campagne Fou du hockey, hashtag Fou du hockey, pour récompenser les gagnants du concours. Alors, une campagne qui les a fait aménager une patinoire au 32e étage au centre-ville de Toronto. La patinoire de cette année a été aménagée pour récompenser les 4 plus grands amateurs de hockey au pays en leur offrant une expérience hors du commun avec une vue imprenable sur Toronto. Pour participer au concours qui a pris fin le 10 décembre, les Fous du hockey devaient démontrer à quel point ce sport les obsède en partageant leurs histoires, leurs images et leurs vidéos sur Facebook, Twitter et Instagram. Quelques faits saillants à propos de la patinoire sur le toit de Molson Canadian. Elle mesure la moitié d'une patinoire régulière réglementaire de la LNH. OK. Dimension parfaite pour les 3 contre 3. Beaucoup d'emplacements ont été étudiés. L'immeuble de Toronto était le seul capable d'accueillir la patinoire à une hauteur considérable. La construction a officiellement amorcé le 29 novembre avec le hissage de l'équipement à l'aide des grues d'un immeuble à proximité. La glace et les bandes sont déjà en place à cette date-là. Mais la construction... ça veut dire que la construction s'est achevée le 10 janvier dernier. Voilà. Mm. Et pour déneiger la patinoire, une machine l'inonde d'eau chaude et un grattoir l'égalise ensuite. La campagne hashtag Fou du hockey de l'année dernière avait permis aux amateurs de jouer un match au sommet des Rocheuses. Je pense que c'est plus impressionnant, ça. J'adore la nouvelle campagne de Lafleur pour le temps des sucres. La base a créé une offensive à saveur saisonnière visant à promouvoir le bacon à l'érable de Lafleur. La publicité a été déployée en version imprimée et numérique dans la presse et la presse plus. L'annonceur désirait susciter de l'intérêt pour sa gamme de produits à l'érable, puis prolonger leur période de consommation avant et après la saison traditionnelle des sucres. C'est la première exécution d'une série qui met en vedette des produits iconiques de Lafleur dans un contexte de cabane à sucre pour donner l'eau d'érable à la bouche. Donc on voit vraiment une bande de bacon, une lanière de bacon, sur de la neige, avec de la tire d'érable, et la personne avec un bâton vient prendre sa bande de bacon. Mm-hmm. C'est pas mal hot. Comme si c'était de la tire au bacon. Ça donne vraiment envie. Ouais. Pour vrai, j'en veux comme là. Du bacon à l'érable. Si seulement ça goûtait autant l'érable que ça devrait. Ça goûte jamais assez. Ouais. Peut-être si tu rajoutes encore du sirop d'érable par-dessus. Mais peut-être que trop, c'est comme pas assez. Ah, trop, c'est le contraire de pas assez. Ah. Tu te rappelles, il y a quelques semaines de ça, on parlait d'une campagne publicitaire pour la Ligue d'improvisation de Montréal, oui. Montréalaise. Lancée en octobre 2015, la campagne célébrait les 25 ans de la Ligue d'improvisation montréalaise. Il présente maintenant une nouvelle pub encore, réalisée en collaboration avec Boulevard BLVD. La campagne met en scène des improvisations datant d'avant la création de la LIM. Évidemment, c'est dans le présent, mais on a faké du passé. Le plus récent message parodie des improvisations dramatiques. On se rappelle que c'était plus humoristique en octobre. C'était vraiment comme des improvisations le plus cliché possible, le plus cheesy possible qu'on montrait. Et là, on disait à la fin qu'on ça faisait bon 25 ans qu'on voulait se débarrasser de cette image-là de l'improvisation. Ça se décline en vidéo, affichage intérieur et extérieur sur les réseaux sociaux et sur le site web de la LIM montréalaise. Donc allons écouter. Évidemment, c'est plus visuel un peu. On va commencer en la décrivant, j'espère bien correctement pour vous. Sous le grand chêne, une dramatique comparée, on voit la scène théâtrale. Sous le grand chêne où ma sœur jumelle est enterrée, seul endroit où je peux trouver le repos. Monteuse, c'est toi qui m'as tuée. Les gens font des mouvements d'arbres en arrière. C'est moi dans ma tête, faites les taire. C'est toi qui as tué ta petite sœur jumelle. Non. Un gars sort en arrière du lit. Le vent le sait. La forêt le sait. Meurtrière, violeuse de vie. Ah! Et là, depuis 1991, on fait tout pour que l'impro ne soit plus comme en 1991. Oui, bon. Terminé et... performance sur deux équipes. On demande... le vote. Les dimanches 20h au Lion d'Or, citronlim.com et leur site web. Je trouve la campagne vraiment excellente, l'idée super bonne. Celui-là, je pense, c'est le plus faible des messages dans ceux que j'ai vus à date. C'est pas le meilleur, mais ça s'appelle Sous le grand chêne. Allez voir les autres sur leur chaîne YouTube. Ils en ont avec. Ils ont des messages avec du grand budget, des comédiens très connus, des séries que vous aimez. Donc, il n'y a pas juste cette campagne-là, ils en ont fait plusieurs autres et c'est toujours très recherché, je trouve, comme concept. C'est vrai. Il y a un nouveau porte-parole pour Old Spice. Ah ouais? Tu te rappelles des I'm on a horse et l'autre avec les gros muscles de pectoraux. Donc, avec des citations philosophiques à deux sous et une insouciance remarquable, rien n'arrête le nouveau porte-parole des produits Old Spice qui recommande une protection légendaire pour les hommes légendaires. Il s'agit de la première publicité de la marque de Procter & Gamble depuis la réconciliation entre ses vétérans Terry Crews et Isaiah Mustafa. On avait vu donc les deux plus récents porte-parole qui étaient supposément ennemis, revenir ensemble. Mm-hmm. Donc ça c'était en novembre. Le ton absurde est abordé différemment, nous dit-on, mais il demeure central au style des publicités Old Spice. Deux messages ont été lancés. L'homme légendaire s'y embarque dans les aventures les plus folles. Donc écoutons-en un pour voir Old Spice. Celle-ci s'appelle Rocket Car. Limits. On voit un gars frotter sa voiture à Outkick. Il parle de façon prétentieuse. Sa voiture est en forme de fusée. Je pouvais me pousser encore plus loin avec Old Spice. Should I stop? Devrais-je arrêter? Should I have listened to all the critics? Aurais-je dû écouter mes critiques? Should I have taken even a basic ground level engineering course of some kind? Aurais-je même dû prendre un cours d'ingénierie de sa voiture pour les faire en morceaux? Yes, I should have. Oui, oui, j'aurais dû. Valuable lesson I have ever learned. Mais la meilleure leçon que j'ai apprise your brain with knowledge, est que si tu remplis ton cerveau de connaissances, there won't be any room for dreams. Ben, il n'y aura plus de place and pour tes rêves. Is to take the wheel and drive. Et mon rêve est de prendre le volant et de conduire. Et là, la voiture explose. Et le gars meurt. Mon Dieu. Tout le monde, wow. Non, attends, finalement, le gars, mort. Il est pas mort. Ben ouais, il dit wow lui-même. Protection légendaire pour homme légendaire. Il est vraiment légendaire. Ouais. Pour avoir survécu très à ça. Très légendaire. Ouais, légendaire. Encore une fois, pas aussi bon que les deux autres d'avant. Ouais, c'est vrai. Pas sûr. Pas sûr. Mais évidemment, c'est une, un début de campagne. Ça va s'améliorer. Par contre, vraiment, la campagne de Isaiah Mustafa, dès la première écoute, j'étais déjà accro et je trouvais déjà que ça allait être une campagne qui allait durer des années et des années. Et ça a été le cas. Tu te rappelles de Lemmy Kilmister? Le gars de Motorhead qui est décédé récemment. Il est dans une pub posthume pour vendre du lait finlandais. Ah, ok. Filmé un mois avant son décès, la publicité de la société laitière Valio se veut un hommage au chanteur et bassiste iconique. En novembre dernier, Lemmy Kilmister se trouvait en Finlande afin de tourner une publicité pour une entreprise laitière. Et bien, un mois plus tard, le 28 décembre, il décédait des suites d'un cancer dont il avait appris l'existence deux jours plus tôt. Avec hésitation, la société a décidé de mettre la publicité en ondes. Évidemment, certains pourraient les accuser de vouloir faire de l'argent sur le dos de quelqu'un. Ouais. Donc, je cite, nous avons décidé de la possibilité de ne pas la diffuser. Nous avons plutôt choisi de présenter les images du tournage ne faisant pas partie du scénario d'origine. Elles cristallisent l'esprit de Lemmy et lui rendent hommage. Et à la fin du message, Valio invite les auditeurs à lever leur verre en l'honneur du musicien. Évidemment, on vous suggère de lever votre verre de lait, hein? Donc, Lemmy, j'imagine que c'est Lemmy? Non. Quelqu'un d'autre arrive à vélo devant un dépanneur. Quelqu'un sort du dépanneur avec une canne. Ça, c'est Lemmy, c'est sûr. Oui. Ah oui. Il est devant un petit set de patio. Il regarde autour de lui. Il regarde la caméra. I don't drink much. And I never will. Il dit quelque chose avec un accent. L'asshole. On va réécouter ça, voir. Si j'ai bien compris, il dit qu'il a jamais tort. Ok, attends. I don't drink much. And I never will. Ok, c'est je ne bois pas de lait, je n'en boirai jamais, je crois. I never drank milk. I don't drink milk. I don't drink milk. And I never will. And I never will. You asshole. Bande de cons, maudit trou de cul. Ouais. Donc, Ian Lemmy, Kilmister, 1945-2015. We raise our glasses to you. Nous levons verre en votre honneur. Leur lait a l'air vraiment transparent. Enfin, c'est vrai, hein? Moi aussi, je trouvais que ça avait l'air de l'eau, en fait. C'est des vaches qu'on voit au travers, c'est quoi ça? Ben, c'est tant mieux très, pour les très pasteurisé. C'est très, très, très filtré, ouais. Et pas mal ça. Ensuite, Place Sainte-Foy offre un calendrier de l'Avent interactif et ludique. C'est Orange Tango qui a ajouté une composante interactive au traditionnel calendrier de l'Avent. Alors qu'à chaque Noël, Place Sainte-Foy offre un cadeau aux enfants qui visitent le Père Noël, l'agence Orange Tango a réinventé le traditionnel calendrier de l'Avent en y ajoutant une composante interactive. Ok. Cette année, une affiche dépliable a été remise aux enfants par le Père Noël et on découvrait les aventures d'Antonin le petit lapin. Et chaque jour, l'enfant grattait une case et découvrait un mot qu'il entrait ensuite en ligne. Il débloquait ainsi soit un jeu, soit la suite de l'histoire d'Antonin, le tout de jour en jour jusqu'à Noël. Quand même cute. Mm-hmm. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est cute. Ouais. Est-ce que t'as vu passer ça juste avant les fêtes, la grande guignolée des médias qui s'affichait à la source pour récolter des dons? Non. La pauvreté s'accroche littéralement à la caisse rapide, nous dit ActuMedia.com. TamTam TWA a signé la plus récente campagne d'affichage des médias sociaux pour la grande guignolée des médias. Située à proximité des points de dons, les affiches interpellaient juste au bon moment, celui de passer à la caisse rapide. Rien de plus facile alors que d'ajouter à son panier quelques articles à donner aux plus démunis. Le but de cette offensive était de sensibiliser les gens à la pauvreté en venant s'accrocher littéralement à leur quotidien pour venir leur rappeler que certains n'ont pas la même chance qu'eux. À la collecte de la grande guignolée qui s'est poursuivie ensuite jusqu'au 24 décembre. Écoutons un peu la démonstration, le spec truc vidéo. Donc on voit les gens entrer dans une épicerie avec une boîte qui est installée pour la grande guignolée. à la caisse rapide, on vient accrocher avec des petites attaches, des petites pinces, mm-hmm. des pancartes. Et les gens font leur magasinage de rangée en rangée, passent au guichet, sortent leur, leur carte, etc., etc. Regardent au loin. Ça dit caisse rapide express, un 8 articles. Pour vous, c'est la caisse rapide. Pour d'autres, 8 articles, c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre de donner généreusement à la grande guignolée. Oh! Là, les gens sont tous « Ah, oh, ben, Colin, puis jusqu'au 24 décembre, ils donnent leurs achats dans la boîte qui est à la sortie de l'épicerie. » J'avoue que c'est très bien pensé, en c'est fait. Bien, là, hein? C'est bien, mm-hmm. Ça donne des petits frissons. Absolument, absolument. 8 articles, c'est beaucoup pour certains, très peu pour d'autres. Un avion Air Transat aux couleurs de Saint-Hubert pour un coup publicitaire à grand déploiement signé Dentsubos et Cara. Suite au concours sur les ailes de Saint-Hubert lancé par Saint-Hubert cet automne, 124 gagnants se sont envolés pour une semaine sous le soleil de Punta Cana à l'hôtel Grand Palladium Bavaro Suites and Resort and Spa and whatever. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une surprise leur était réservée au retour. Surprise rendue possible grâce à la complicité d'Air Transat qui s'est prêté au jeu en maquillant un de leurs avions aux couleurs de la rôtisserie et en faisant vivre une expérience Saint-Hubert à leurs passagers. Né de discussions entre Saint-Hubert, Cara et Dentsubos, l'offensive s'appuyait sur l'idée que les Québécois sont nombreux à avoir envie de Saint-Hubert à leur retour de vacances. Donc les avions, évidemment, étaient complètement jaunes, avec les fesses bleues, l'aile bleue en arrière, et Saint-Hub Air, jeu de mots avec Saint-Hubert, écrit en rouge dessus. Ça, encore une fois, vaut rien, mais ouais. ça peut donner une envie de manger. Je sais pas si ton public... Pourquoi j'en doute pas que les gens, quand ils reviennent de voyage, ils ont hâte de manger du Saint-Hubert? Tu penses? Sérieusement, je sais pas si historiquement au Québec, c'est comme une marque vraiment appréciée, j'imagine, des gens. Sûrement. J'ai mangé chez Saint-Hubert 3 fois dans ma vie. Genre. Pour vrai? Dans ma vie. Comment ça? J'ai jamais eu l'impression que c'était si bon que ça. Moi. Ah. C'est correct, mais c'est rien de majestueux. Ouais, mais c'est à cause de la salade de choux. Oui, à volonté, mais justement, quand tu prends pour emporter ou autre, c'est pas le cas. Ben, t'as quand même ta salade de choux. Il devrait te donner... Oui, mais t'as un cop. Oui, mais là, ben, Mathieu, ça, il faut savoir. Sois... Le but qui fait que c'est bon, c'est limité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que t'en as tout le temps plus. T'en veux d'autres, t'en demandes d'autres, t'en as d'autres. Tu payes pas plus cher. Oui, mais en temps normal, là, t'as pas besoin de plus que ce qu'on te donne vu que t'as un repas. Hey, sérieux? Est-ce que tu me connais, Mathieu Plante? Enchanté. Ouais, je sais. C'est pour ça. C'est, bon, c'est ça. Je sors de la cafétéria avec un repas à 13$, moi. Là. Okay. Une rondelle amovible sur les colonnes de rue pour remercier les partisans du Canadien. Un coup de publicité sur les réseaux de colonnes de rue d'Astral Affichage à Montréal. Profitant du temps des fêtes, le club 1909, le programme de récompense des Canadiens de Montréal qui unit tous ses fidèles partisans à travers le monde, a remercié ses partisans locaux sur le réseau de colonnes de rue d'Astral dans plusieurs secteurs de Montréal. Donc, le 17 décembre dernier, les piétons devaient remarquer qu'une rondelle amovible de près de 3 pieds était installée sur les publicités du club 1909. Celle-ci les invitait à retirer la rondelle pour se mériter une paire de billets pour un match ou un chandail des Canadiens. Mmh. Les gagnants n'avaient qu'à rapporter cette rondelle au Centre Bell et présenter leur carte ou leur carte numérique du club 1909 pour réclamer leur prix. Une vidéo a été réalisée pour immortaliser la réaction des gagnants, mais je pense qu'on... Bon, on va l'écouter pour finir la chronique. Là, hey, en plus, Youpi s'est mis de la partie. Youpi est là-dedans. Incroyable! Youpi est là-dedans. As-tu la vidéo de ton côté, juste l'audio? Hein? J'ai la vidéo. S'il te plaît. En fait, au début, on voit simplement des gens installer les fameuses rondelles. Puis le tout commence vraiment autour de 30 secondes dans la vidéo où on voit vraiment les gens commencer à comme tirer sur les rondelles. Puis on voit Youpi aussi se cacher, puis jouer avec les rondelles et attendre que les gens viennent chercher les rondelles. Et la rondelle est vraiment évidente, là. Est vraiment oui, là. Oui, puis c'est vraiment écrit dessus « à gagner par de biais ou un gilet ». Ça vous montre vraiment, vraiment comment les gens ne regardent plus les publicités dans la vie. Et qu'ils ne se fient pas à Youpi, hein? Non, ils font juste ignorer Youpi. Tout le monde ignore Youpi. Y a-tu été rajouté par ordinateur, Youpi? Écoute-moi. Tellement que personne ne le remarque. Là, au bout d'une minute, on voit que les gens commencent à réaliser qu'ils peuvent vraiment prendre la rondelle. Je sais pas si j'aurais mis ce bout-là dans la vidéo. Moi, ça fait vraiment comme si les gens s'en contre-fichaient, non? Ouais, ouais, vraiment. J'aurais pas mis ce bout-là. Bref. Mais bref, ça doit être pour dire que justement, il y a des gens qui sont passés tout droit sans vraiment porter attention. C'est un gars du chantier de construction au bord de la rue qui a trouvé... Ah, ben, ils sont plusieurs à l'avoir trouvé, finalement. Oui, oui, oui, ils sont plusieurs. Il y en a plein qui ont pris la POC et se sont rendus au Centre Bell. Et ce qui est fun, c'est que quand t'enlèves la rondelle, cette rondelle a été épuisée, genre. Oui. Elle a été prise. Puis au dos, c'est marqué « Félicitations, vous ouais. remportez une paire de billets ». C'est quand même cool, mais j'aurais vraiment pas mis le bout. Personne n'en regardait. Mais bon. Moi, je l'aimais... Je l'aurais mis quand même pour justement faire voir que les gens...

The Town Heroes avec Constellations. Assemblage requis. Au retour de la pause, Tania, ça va être à ton tour. Ouh. Toi, tu vas y goûter. Tu me fais peur, là. C'est pas ce que ça veut dire. C'est Assemblage requis. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 19 janvier 2016. Talia Baudin est là. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Gabriel Béaud et dans les quiz de la huître. Tu peux dire un mot. Salut. Allez. Mais avant ça, on écoute Ariane Titan. On ramène Soyons Sauvages. Ça a quitté le palmarès, si je ne me trompe pas. Non, c'est encore là, c'est mais... C'est encore? Ouais. Ah, est-ce que c'est c'était encore pour au le dernier. Prochain? Ouais, peut-être le prochain. Je pense que j'ai vu le palmarès de la semaine prochaine. De loin, c'est ça. Bref, Ariane Titan. Qui nous quitte, voici Soyons Sauvages. Après ça, on parle d'impro! Wouh! Assemblage requis. La pièce Soyons Sauvages d'Ariane Zita qui, je le rappelle, quitte le palmarès. Non! Oui, après 7 semaines, on écoutera ça dans Palmer Rest in Peace au Palmer C'est Fou cet après-midi pour lui dire au revoir. Abraboum, abraboum. Tristesse. Parle de quelqu'un à qui on a failli dire au revoir, quelqu'un qu'on a failli perdre dans les pages d'un magazine. Il y a trouvé un magazine de musique de programmeur analyste, je sais pas trop quoi, sûrement de la musique de geek, ça, de prog. Non, c'est de la musique progressive. Ah, c'est pas un magazine de programmation oui, HTML. Même, c'est l'opus dans lequel on parle. Les 100 meilleurs artistes prog selon le Prog Magazine. Wow! J'étais un peu déçu d'apprendre que Frank Zappa n'est qu'au 18e rang. Ah. Mais bon. Gang d'innocence. Mais oui, ma vie est une suite continue de déception. Déception. C'est ça qui est plat. Ça va pas bien, hein? Ça fait 2 semaines ensuite qu'il nous dit ça. T'es-tu sûr que tu veux pas en parler, Gab? Très bien. L'affaire, c'est qu'on sait à qui appartient ce magazine-là parce qu'il y a une émission de rock progressif le lundi soir. Exactement. C'est pas comme si on pouvait faire semblant de. Ah, quelqu'un excellente laisse un magazine. Oui. C'est le mardi ou le mercredi que ça rejoue c'est l'après-midi? C'est lundi, man. Non, mais que ah, ça l'après-midi, rejoue... le mardi après-midi. C'est excellent. Ouais, mardi après-midi. Ouais, avant les palmarès. Avant les palmarès. Ouais. Soyez ici, bon. C'est entre 13h et 15h. C'est Rock de Neurone avec Jimmy Farley Davidson. Et voilà. Donc, on accueille. C'est pas son vrai nom. On accueille Gabriel Béhoul, qui n'est pas son vrai nom non plus, je pense. Le bip, c'est ça. C'est dans les coulisses de la Luitre. Gabriel lit tellement vite que pendant la chanson thème, il y a eu le temps de lire 2 pages. Oui, ben, je regardais les classements, puis il y a des groupes que j'ai jamais entendu un nom, qui sont dans le top 10. Dans le top 10 de la musique progressive. Oui. Insupportable. Puis, non, c'est ça. C'est un petit peu décevant. Ou peut-être que tu connais pas encore assez ça. Ouais, c'est sûrement ça, en fait. Ça doit être ça. T'écoutes pas assez, c'est fou. Non. C'est ça le problème. Donc, Gabriel Béhoud de la Luitre, il y avait un match hier entre les Rouges et les Oranges. Oui, c'était un très bon match d'ailleurs. Mais ça, j'étais là, t'étais là. Oui. Tout le monde était là, fait qu'on peut en parler. Everybody was there. Everyone cool. Everybody. T'étais-tu cool, toi? T'étais-tu là, Tania? J'étais pas là. T'es pas cool. Je suis désolé. T'es pas cool du tout. Donc, le match entre les Rouges et les Oranges, il y avait une absence hier au match. Oui. Jean-François Chapdelaine n'était pas là. Non, il était en train d'écrire des discours pour des politiciens. Il est rendu un homme à cravate. Ah ouais, c'est un gars vrai. Important. Exact. Ce n'est plus qu'un simple étudiant. Donc à la place, il y avait Nicolas Marino qui était là. Le capitaine de l'équipe des Rouges. Oui. Avec Alexandrine Pichessier et Alexandre Marchand. Oui. Alexandre Marchand, d'ailleurs, qui a eu une étoile pour le match. Oui, l'étoile de l'arbitre. D'ailleurs, il y a une petite entrevue avec lui dans la chronique. On va en parler dans quelques instants. Justement, je pense qu'on ferait mieux d'aller directement sur le terrain. Pourquoi pas? Pour aller entendre notre collaborateur Gabriel Boutantrain-Houd. Voici lundi soir à la matin. Allez! Écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Je suis présentement devant la chasse-galerie Galera avant un match d'improvisation. Je suis le représentant officiel journalistique pour la saison 2015 et 2016. Le match de ce soir opposera les Rouges aux Oranges. Place au face-à-face. Je suis avec Marc Lachance de l'équipe des Oranges. Marc, comment qualifierais-tu votre première moitié de saison régulière? Ben, c'est sûr que j'ai bougé pas mal. Là, ma dépense de kilojoules est vraiment mieux. En laboratoire, ils m'ont testé sur mon tapis, puis ils m'ont dit que ça allait mieux, puis que j'avançais. Marc, parlant d'avancer, comment penses-tu que la deuxième moitié de la saison devant vous devrait s'avancer? J'ai toujours cru que... un jour, faut dépasser la barre. Je veux dire... même si devant toi, c'est ça qui contrôle le système. Même si devant toi, c'est ça qu'ils te disent, le gouvernement, de pas aller à plus que 13 sur ton tapis roulant. Ben, si tu peux le faire, tu peux aller à plus que 13. Puis c'est pas parce que faut que tu prennes une pause ses côtés que... C'est inspirant tout ça, Marc. Je te souhaite un bon match et une bonne deuxième moitié de la saison. Vive l'école bleue. Face à face. Je suis présentement avec le joueur substitut des Rouges, Nicolas Mérineau. Nicolas, comment est-ce que tu trouves que ta première moitié de la saison 2015-2016 s'est passée pour ton équipe et toi? Et comment l'envisages-tu? Ouais, ben je dois te dire en premier que c'est Marino et non Mérineau. Fait que juste un petit correctif comme ça avant de tout commencer. La saison à date, elle s'est super bien passée. J'ai les mains un peu moites, un peu avec de la corne aussi. J'ai beaucoup encouragé. Mon équipe, on a fait des soupers, c'était cool. On a appris à se connaître. Là. On va peut-être aller en voyage bientôt. Là. Parlant de voyage bientôt, la deuxième moitié de la saison régulière est souvent appelée le voyage. Comment entameras-tu ce voyage? Ben, je me suis jamais penché sur la question. Je dirais peut-être une poche de kangourou. Traverser l'Atlantique, ça sera pas facile. Je vais y apporter des flotteurs. Mais est-ce que tu parles d'un voyage astral, un voyage peut-être plus spirituel? D'improvisation. Mais je sais qu'en France, il y a beaucoup d'échanges entre le Québec puis les équipes de la France. Là-bas, ils ont besoin de coaching. Fait que peut-être que ce serait une éventuelle possibilité. Là, faudrait demander. Là. On pourra peut-être faire un doodle. Semblerait que les toilettes flochent à l'envers en France, Nicolas Mérineau. Alors, bon match et bonne deuxième moitié de la saison 2016-15. Ben merci, Steve. Je suis avec l'exceptionnel, le transcendant, Alex Marchand. Monsieur Marchand, l'étoile de l'arbitre, que ça signifie que pour vous? Ah, ben c'est sûr que l'étoile de l'arbitre, c'est une de plus que je rajoute à ma collection. Les arbitres m'avaient snobé, je pense, depuis le début de la saison. Et là, je rajoute ça à mon palmarès, mon tableau de chasse, hein, on va dire. Sur ce tableau de chasse figurent des étoiles de l'arbitre, des étoiles des autres équipes, de très forts matchs, et aussi... Ben, ça figure aussi la liste des personnes avec qui j'ai couché, soit une personne. C'est une étoile dans mon cœur, babe. OK, ça commence à devenir malaisant. Monsieur Marchand, que pensez-vous de la deuxième moitié de la... saison que vous entamez? C'est sûr que la deuxième moitié, c'est la moitié qui reste. Hein? Comme on se le dit pas assez souvent, mais c'est vraiment une partie de la saison qui détermine les équipes qui vont faire les séries. Alors, on a quatre équipes, il y a quatre équipes qui font les séries, donc c'est vraiment important de tout donner ce qu'on a là, pour embarquer dans la danse printanière. Je souhaite bonne chance au Rouge. Pour la danse printanière, le sacre du printemps? Oui, c'est ça, exactement. C'est le même qu'on appelle le moment où on fait des conneries à la fin de la session. Là. Puis c'est bien, bien le fun. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait désirer. J'ai pas de vue celui que j'étais. Imaginez. Gabriel Boutentrain-Houd, Mathieu Plante, reporter sur le terrain pendant le match de la 8. Oui, le match. Le gars qui commence vraiment ses entrevues comme à 8h moins 5. Ouais, ouais, d'habitude c'est... Et qui prend quand même le temps de dire les choses. Mathieu, faut dire les choses. Demain. C'est important de dire les choses. Faut articuler dans la vie. Tout se dit. Tout se dit. Les choses. Donc, on était en train de parler du match d'hier, où toutes ces choses-là se disent. Oui, on a oui, parlé, oui, oui. On a parlé de l'équipe des Rouges, on a parlé de l'équipe des Oranges. On a oui, Marc Lachance, bien sûr, là-dedans. Marc Lachance, hier, qui a joué des personnages tout aussi, comment dire, avec un retard intellectuel que d'autres. Oui, oui, oui. C'est exactement dans son casting. D'ailleurs, Marc, si tu nous écoutes, tu devrais peut-être aller rencontrer un orthopédagogue ou quelque chose. Orthopédagogue, oui. C'est vraiment particulier. Tout à fait. Mais comme j'ai dit pendant le match hier, c'est le joueur parfait pour jouer au carnaval. Oui, oui. Parce que c'est des jokes de Soulon. Oui. Parfait pour un public de Soulon. Oui. Mais dans le bon sens. Non. C'était pas. Non. Ben oui, dans le bon sens. Ok. Non. Ok, je pense que tu disais non, pas dans le bon sens. Non, non, non, oui, dans le bon sens. Non, oui. Ouais. C'est là de Diecote qui s'est fait voler vraiment, je pense, l'étoile du match encore par Marc Lachance. Pas l'étoile du match, mais l'étoile de l'équipe qui était donnée à Marc Lachance. Oui. C'est là n'est passé, là. Ah, tout proche. Près. Tout près, oui, oui. À un gag de, à un moment donné, moi, celui qui m'a marqué le plus, Marc Lachance, à un moment donné, il était en train de. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains, genre? Il nageait comme un petit chien. Je sais pas trop, il faisait de la course rapide, peut-être. Je pense, ah non, il nageait, cas, oui, je pense oui. qu'il nageait comme un petit chien. Puis à un moment donné, il a dit genre, hey, ça me rappelle l'époque où je jouais du piano. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Oui, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est. Fait que, tu sais, l'étoile, je pense, moi, je l'ai donné pour ça, je pense. Mm-hmm. C'est pas moi qui l'ai donné, mais quand même. Donc, Jonathan Picard, bien sûr. Oui, fait toujours sûr. La job très, très bien aussi. Ah ouais, et un fidèle au combat. Fidèle, fidèle compatriote. Oui. Et Alexandre Mizuiki qui joue un serpent. Faut toujours qu'il joue un animal. Ça, c'est un incontournable. C'est sûr. Oh oui. Pas le choix. Ben, c'est son casting aussi. Aussi, hein. C'est, ouais, c'est son casting. Okay. Le zoo. Le comment? Le zoo. Zoo. Le zoo. Je pense pas de notre machine enregistrée. Le zoo. Zoo, le marchand zoo. Ah, okay. Donc, Alexandre Pichessir qui a une étoile, Marc Lachance. Oui. Alex Marchand. Pointage final 9 à 4. Pour ouais. qui? Les oranges. Les oranges. Ouais. La liaison, les oranges. Les oranges. Les oranges. Voilà. Elodie qui était l'arbitre hier. Oui. Très, très, je dirais, très dans les règles. Ouais. Le match a fini de bonne heure en Cibolac. Ouais, tout s'est déroulé là, selon les règles, dans les règles de l'ordre. De l'ordre et de l'art. Oui. Oh. On avait une DJ remplaçante hier. Ouais, madame Alex Carine. DJ ouais. Délice. DJ Délice, c'était un bien bon match, tout ça, ouais. je trouve. Ça fut un très fort match. D'ailleurs, le prochain match, Mathieu, quand est-ce que c'est donc? Ben, c'est un match de carnaval. Hein? Tu me poses la question comme c'était pas le chroniqueur. Yes, ça se passe le jeudi 28. Jeudi? Ben, selon le calendrier du carnaval, sur le calendrier du carnaval sur leur site web. OK. C'est quel jour pour toi, le match? Ben, le jeudi, pour moi, c'est le troisième, quatrième jour après le dimanche. Ouais. Le dimanche étant la journée où je vais à la messe. Okay, mais le lundi, la journée où je fais mes courses et mon lavage. Le mardi où je pleure toutes les larmes de mon corps. Ça va vraiment pas bien, hein? Non, non, mais c'est le jeudi, je t'assure, c'était le lundi. Ben, moi, je suis sur la page Facebook en date du 11 janvier. Whoop, j'ai cliqué sur leur fichier en date du 11 janvier, puis ça dit jeudi 28. À quelle heure? Attends un peu. C'est pas 16h? 16h à 18h, improvisation au 10-12. Jeudi le 28 janvier, selon le cahier du participant 2016, version numéro 15. Non, c'est pas vrai. Alinéa 7. Ils n'ont pas marqué leur numéro de version quelque part? Numéro 15. Ok, je vois, c'est beau. Tu sais que leur fichier change souvent. Là, leur fichier est je vais t'avouer, Mathieu, que tu m'as créé un petit stress intestinal ouais. quand tu m'as dit la date puis l'heure, parce que là... Et selon le, site selon le site de la Ligue universitaire d'improvisation, la LUIT, c'est aussi le 28, mais à 19h, ce qui est faux. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est faux. On est des menteurs. C'est à 16h, mais ouais. la date reste à voir. Mais c'est genre, la publicité genre. En ondes, assez fou, je joue aussi, qui dit le 28. Ça de même. Ouais, ouais, c'est sûrement le 28. Sûrement. Oh, qu'on n'est pas sûr. Ben, en tout cas, moi, personnellement... Il sera pas là, c'est le 28, c'est ça. Il sera pas là. Ben, je devais être là, mais là, c'est un jeudi qui est un... Le jeudi, comme je vous expliquais, c'est le quatrième jour après le dimanche. Le quatrième jour après le dimanche, oui, oui, oui. Ouais, Jésus, je devrais être là, je devrais être là. Ah! Oui, j'avais joué avec les gens du carnaval. Attends un peu, les carnavalois. Ouais. Veux-tu qu'on aille voir une place secrète? On va aller sur le groupe fermé de la Luitre pour voir. Ben non. Je te jure. C'est même pas précisé. C'est top secret, ça. Non, c'est pas précisé dans le post non plus. Pour les gens qui n'auraient pas accès à la page Facebook fermée, je vous dis tout de suite la page de la photo de couverture. Je vais vous la décrire tranquillement pendant que Mathieu cherche l'information. La photo de couverture, en fait, c'est tous les joueurs de la Ligue qui sont très légèrement vêtus. Oh. Au centre de la photo, il y a une huître. Mais une huître géante, remplie de champagne. Dedans, il y a, tu sais, comme les pinoupes, là. Les pinoupes. Pas les pinoupes colada, là. Non. Les pinoupes. Okay. Pinoupes. Les pinoupes. Les pinoupes, là, les petites madames des années 50 avec des tartes. Oui. Puis, avec des tartes. Ben oui, ils ont des tartes. Des tartes. On n'a pas eu de tartes. Gave, les pinoupes ont des tartes. Ben là, je sais pas comment vous appelez ça, vous, là, mais. Okay. Fait que c'est ça, fait qu'en gros, c'était pas ça en photo. C'est ça, ben ça c'est privé. C'est juste oui. pour nous autres. Ça. C'est un groupe fermé, genre, sur, hey, moi je suis là-dessus. Part. Mettons le monde que ce groupe doit passer minimum 1h30 par semaine à juste regarder la photo. Facile. Facile. Ah, en tout cas, on a des confirmations sur les gens qui vont jouer au carnaval, mais ça on vous le dira pas, c'est un secret. Ah, vois-tu? T'es-tu dessus en ce moment, là? Ben, je te vois pas sur un ordinateur, moi. Non, mais c'est ça, mais il y a eu des changements. Ben, moi je les vois apparaître live pendant qu'on fait l'émission de radio. Puis je suis pas là. Hey, yeah, je te tu savais même pas c'était jeudi, le 30 secondes, donc en théorie, t'es pas... Bon, ça chiaule. Oui, hey. Je pensais que j'étais là. En tout cas, je trouve que c'est drôlement organisé, cette équipe-là, mais bon. Fait que le prochain match, c'est jeudi le 28 à 16h, de 16h à 18h, avec les gens du carnaval. Oui, animé par moi, oui. Avec Vanessa Forcier. Oui. Ça va être quand même vraiment cool, ça. Des joueurs à déterminer. Ouais. Donc, si je me rappelle bien, la formule que prend un match du carnaval, en fait, c'est que chaque association envoie deux représentants. Ouais. Ces deux représentants-là sont jumelés à deux représentants de la Ligue. Des vrais joueurs. Donc, dire que c'est des équipes de quatre personnes. Exact. Donc là, on crée deux équipes. Donc, deux assos s'affrontent une contre l'autre avec quatre joueurs de la Luitre. Désolé, la Ligue, par rapport. Ouais. La Luitre, divisée en deux équipes. Et puis là, on fait des matchs. Les associations qui remportent leur match, félicitations, vous avez remporté, vous gagnez des points pour le classement total du carnaval. C'est ça l'important. Le reste du principe, c'est le même. C'est le public c'est qui vote, l'animation est la même, le décorum de la Ligue est là, les arbitres, probablement ça va être quelqu'un qui est déjà arbitre à la Luitre d'habitude. Oui, d'habitude, oui. Et puis c'est vraiment super le fun. C'est comme un match du lundi soir, sauf en après-midi, un jeudi peut-être. Après-midi. Avec beaucoup plus de blagues de la région rogène en bas de la ceinture. C'est sexy. Entre les genoux puis le nombril, là, souvent on entend beaucoup de. C'est une zone quand même large entre les genoux et le nombril. Hein. Les cuisses. T'as oublié les orteils. Ah, ouais. Oui. Les orteils. Ben là, ils ont des rogènes. Gabriel, parle pas là-dessus. T'as jamais liché un orteil? Non. Une fois lavé. Ouais, une fois lavé. Puis même encore. Ben, come on! Voyons, t'es donc bien prude, là! Ben là, moi, j'ai déjà grignoté des ongles d'orteil en masse, mais... Mais les tiens! C'est ça? Ça compte pas, c'est pas très sexy, ça! Ben non, mais c'est ça, j'ai mon pot maçon salé vinaigre, puis on va par là, mais... Pour faire quoi? Ouais. Mes ongles d'orteil? Pour mettre des Mathieu, ongles d'orteil? Hey, Mathieu, vous ai-tu déjà parlé de ça? Je pense que j'en ai sûrement déjà parlé, parce que ça m'a marqué à vie. Jadis Nagar, j'étudiais à l'UQAM, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Commence par la raconter avant que je te dise doigt au but. J'avais un cours, c'était Histoire de la Grande-Bretagne de 1815 à nos jours, quelque chose du genre. Puis, ok, get to the point. Ouais, il y a un gars, qui s'assisait toujours en arrière de moi dans la classe. Puis la pause était toujours à 2h. Puis quand on a de la pause à 2h15, 2h20, ce gars-là se coupait les ongles. Durant le cours. Mais cette semaine, non. Moi, je trouvais ça franchement dégueulasse. J'ai jamais dit parce que c'était un inconnu. De main ou pied? De main. Okay. De pied, ça aurait été le bout. C'est moins pire, j'espère. C'est moins pire, mais c'est quand même dégueulasse. Fait que là, t'as la prof, là. Grande-Bretagne, 1809, blablabla. Puis là, elle parle, puis en arrière, t'entends genre. Non, inacceptable. Ça, il aurait dû vraiment se faire dire par le prof. C'est dégueulasse, un peu. Fais ça chez vous. Peut-être que tu savais pas, puis ça te revolait tout dans le cou. Peut-être. Dans le capuchon de kangourou, t'arrives chez vous, tu te mets ça. tu mets ta capuche le soir pour partir, puis t'as plein de petits... Ça tombe dans ton yoga. Oh. Tu sais, une fille qui se met du vernis à ongles. Ouais. Correct. Bon, ça colle pas, il n'y a pas de déchets. Non, mais ça sent un swamp. Ouais. Ça sent swamp. La swamp. Vous avez la swamp assez... Moi, je trouve que ça sent mauvais. Ben, c'est parce que t'es une fille, ça t'es habituée d'en mettre. Nous autres, tu sais, c'est comme les fumeurs, là. Je veux dire, il devrait y avoir une zone vernissage d'ongles dans les restaurants. Ouais. Pour pas que je sente ça. Tu mets ça en même place que la section fumeur. The wall. Another brick in the wall. Et voilà. Comme on dit. Ça me rappelle, tu sais, les choses de fumeur dans les restaurants. C'est dégueulasse parce qu'en tant que tel, il n'y a pas de mur. Là. Ah, c'était malade mental, moi, je trouve. Non, mais la fumeur était là, vous voyez. La fumeur était transparente. Puis c'était le bon temps, Le monde pouvait aller fumer dans un restaurant, boucaner tout le monde. C'est dégueulasse. Ce qui est le fun, c'est à l'université, les places où il y avait des cendriers à l'intérieur de l'université. Oui. Où il y a encore les spots où il était, ouais, tu sais. Ouais, comme jauni sur le mur. C'est ça, genre, mettons, il y a un trou dans le mur, là. Tu sais, s'il y a un trou à renfoncer un petit peu avec juste un petit rebord, puis que tu te demandes c'est quoi ça, probablement qu'avant c'était un cendrier. Mm. C'est hot. C'est hot à savoir, tu sais. Moi, j'aime les vestiges. Mm-hmm. C'est de l'antique. Ben, moi, une de mes tantes m'a déjà conté qu'un de ses profs au secondaire fumait en donnant son cours. Là. Ben oui. Là, c'est pas au mental. Mais moi, j'en avais une, elle avait arrêté de fumer, mais elle tenait sa craie, là, comme une cigarette. Oui, genre, hey! Ça, c'était y en malade. Avait tout en une, nous, on avait parié pour quand est-ce qu'elle va se tirer une puff, Anne-Marie. finalement, elle l'a jamais faite, là, ouais. Mais hey, on aurait été crampé raide. C'est une bonne puff de craie blanche. Miam. T'as un petit peu de poudre sur le bas. Ouais, c'est ça. Mm. Mais ouais, on fait plus faire ça avec les tableaux blancs. Non. Tu sais, les affaires interactives, là, c'est pas non. Affaire, non. Mais par exemple, c'est cool, les tableaux. C'est cool. Très ouais, cool. Mais les tableaux interactifs, c'est encore plus cool, sauf que tu mettras pas la télécommande dans la bouche. Non. Le clicker. Clic. Avez-vous vu le blooper du gars de la météo que il fait next sur ses slides de météo, tu sais, sur son clicker, puis il dit oups, c'est mon sel, je sais même pas comment j'ai fait ça. Il avait pas pris son clicker, il a pris son cellulaire. Puis ça fonctionnait quand même. Ça marchait pas. Il s'est dit, c'est pas mon clicker. Misère. Fascinant. Okay. Avez-vous vu la fameuse vidéo virale là, de la madame là, qui dit qu'elle va se sauver du feu? Ça, c'est débile mental. Là. There's a fire in the house. There's a fire? Non. C'est What's poppin'? En tout cas, vous irez voir ça, c'est quand même What's poppin'? Poppin'? Ouais, elle est incroyable, cette madame-là. Puis, non, c'est ça. C'est à peu près l'équivalent d'Antoine Dodson. Ah, ben oui, Antoine. Ah, ouais. Antoine, c'est très bon. There's a rapist. There's a rapist in Lincoln Town. En tout cas, il était malade, lui. They come and care for your children. Come for you. Ouais. Ah, ben, ils ont fait une chanson avec ça, Autotune de nous. Autotune, c'est malade. Autotune. Les autres sont cool, pareil. C'est meilleur. Ouais. Ils ont fait le générique d'ouverture de Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix. Unbreakable Kimmy Schmidt, ils ont fait une version autotune. C'est la chanson thème, c'est une chanson autotune. C'est super bon. Vous allez voir ça, c'est une sitcom. C'est qui, Kimmy Schmidt? C'est le nom du personnage dans la sitcom. Elle joue-tu, elle, dans Brooklyn? Non. Brooklyn 99? C'est drôle, ça, pareil. J'ai pas vu encore. C'est avec le gars, l'ancien porte-parole de Old Spice. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec Terry Crews. Il y a l'autre qui était dans Lonely Island. Oui, Adam Sandberg, exactement. Ah, c'est quand même très, très drôle. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment rire. Je regarde ça. Mais moi, je suis retombé dans The Office. Là, c'est... Ah, c'est bon. Les gens l'écoutent. Ouais, c'est débile. Parce que j'avais écouté la britannique au complet, j'avais trippé bien rare. Mm-hmm. La version américaine est complètement différente. Ouais. C'est vraiment drôle. C'est débile. Steve Carell. Le gars qui fait Dwight Schrute, il est malade. Le meilleur. Ah ouais, c'est il y a John Krasinski, commis. Ton beau John Krasinski avec le nez. Là. Tu le connais? Il a un gros nez en forme de tubercule. apparemment que j'aime les gars avec les gros nez. Je me suis fait dire et ça. Et les poils. C'est qu'est-ce qu'on dit sur... vraiment. Ah, c'est qu'est-ce c'est qu'on dit sur les gars qui ont des gros nez? Non, j'ai pas le goût de l'entendre. Ils utilisent beaucoup de Kleenex. Pour se moucher. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette chronique des plus pertinentes. Dans les coups, là, se mouchant dans le micro. Ah, faudrait que je me mouche tout le long de l'émission. Si je me retenais pas, je serais en train de me moucher en ce moment. C'est vrai? Je te jure. T'as-tu déjà pensé à prendre des actions dans la compagnie Kleenex? Non, j'ai pas. Non, parce que de toute façon, c'est lui qui l'a fait vivre. Ouais, c'est ça. Kleenex lotion. Voilà. Oh lotion. Boy, lotion. Lotion en plus. On se torche pas avec la gazette, monsieur Blanc. Je sais pas si t'as vu, j'ai. Certains diraient. Un gros nez! Fait qu'un, hein? Hein, Tania? Ouais, bon. Sur ce... merci, Gabé. Gab et Marie-Gab. T'as donc gros nez dans Google Images. Et enlève le safe search. Non, mais le Route 34, ça, 34, ou je sais pas quoi, ça va être... Hack ton router pour avoir que les grosses photos de nez. Hein? Donnez, donnez. Oui, donnez. Donnez s'il y a trop. Non, mais j'aime, ça a l'air que j'aime les nez qui sont bizarres. Ah ouais, les nez bizarres? Mais j'aime ouais. aussi... Hey, non, mais pas... OK. Je pensais qu'on c'est pas moi qui ai réalisé ça. As-tu déjà vu la créature surnaturelle qui s'appelle Voldemort, dont on ne doit pas prononcer le nom? Ouais. Lui, il a un nez bizarre. Ouais. Je serais du genre à l'aimer. Lui, as-tu un vrai bec de lièvre, ce gars-là, cet acteur-là? Ah, mais justement, les becs de lièvre, c'est quelque chose, ça. On n'en voit pas ça souvent. Hey! Ah, c'est vrai? Les becs de lièvre. J'en ai vu un hier. Les oreilles de cheval. Les jeux de cheval, c'est quoi ça? T'as jamais vu quelqu'un avec des oreilles de cheval? Je te dis, c'est quoi ça? C'est quoi, des oreilles de cheval? C'est-tu des airs? Ça parle-tu, c'est quoi? Non, j'ai inventé. Des oreilles d'elfe? Ça dépend. Elfe de la nuit ou elfe des bois? Elfe des bois. Les elfes des bois ont plus 2 en sagesse et en charisme et moins 2 en constitution. Ils ont la capacité de voir les passages secrets. Ouh! Wow. C'est la même chose avec les oreilles de cheval? Non. OK. Non. Non. Non. Hey. Fait que tu disais quoi, les oreilles de cheval et les bouches de quoi? Ah, je disais n'importe quoi parce que bec de lièvre, ça me fait rire. Pourquoi qu'on appelle ça comme ça? Mais comment ça s'appelle? Donc, il y a parce un beau que c'est la même labio, forme que lui. Ah! Ah, c'est avec si le mime que ça. Tu viens de me faire, je viens de comprendre pourquoi tu es. Hey, wow! Ah, mange de la salade, toute. C'est une carotte. J'ai vu une vidéo justement parlant de salade. Ah ouais, c'est un gars vraiment trop scrap, là. Il est genre dans. Genre couché dans un divan, vraiment trop scrap. Puis ses amis demandent. Ils prennent comme ils tiennent sa bouche et ses yeux, là. Ouais. Il dit: I'm very hungry. Would you like some salad? Puis il verse genre 2 barques de salade Britannia dessus pendant qu'il dort trop chaud. Puis c'est ça. Bon. Oh boy, ce qu'on trouve sur Internet. Hey, c'est incroyable. Et c'est-tu ce que j'ai trouvé, Gabriel, pour toi, juste pour toi? Quoi, vas-y? Un autotune de la fille de There's Been Building on Fire. Ah non, c'est-tu vrai? C'est sûr. Merci. Ça me fait plaisir, Mathieu. Merci à toi. Salut. My friend said, hey, something wrong, it's popping. I said, what? She said, yeah. I said, no. She come out of her bedroom with her baby with no shoes on. Shoes on. I said, oh, that's cold outside. She said, something ain't right. I said, what? I said, oh, man. She said, oh, man. The building is on fire, fire. The building is on fire, fire. I said, no, what? I got my 3 kids and we cult allegedly run by self-proclaimed messiah Reverend Richard Wayne Gary Wayne, best known to Yelp users in this area as Dernsville's worst wedding DJ. I am now joined by a neighbor who watched all the drama unfold, Walter Bankston. Mr. Bankston? Oh, yeah. What had happened was I was outside talking about time with my grandson when out of nowhere 400 police vehicles came walking. They were busting up in that weird old white dude's house. Up in there, white dudes hold the record for creepy crimes, but females are strong as hell. Unbreakable, they alive, damn it, it's a miracle. Unbreakable, they alive, damn it, but females are strong as hell. Unbreakable, they alive, damn it, it's a miracle. Unbreakable, they alive, damn it, but females are strong as hell. We've been living here 10 years, nobody seen no girl, nobody heard no girl. No girl, he had them underground. They come up the hole, look around like a bunch of ducks of 20 fields. And I said, nigga, this is for real. 1, 2, 3, 4 girls come up. 1, 2, 3, 4 girls come up. Unbreakable, they alive, damn it. Schmo Yo Ho. The original video. It's from our new favorite comedy show. And you can watch more of us too. If that's something that you'd like to do. Schmo Yo Ho, accent on the yo. Schmo Yo Ho, accent on the yo. Schmo Yo Ho. Hey, hey. Même leur fin de vidéo qui dit de cliquer sur leur subscribe est divertissant. Mais ça ressemblait vraiment au gars qui chante I'm on a boat, là. De oui, c'est ça, c'est un style précis, là, Autotune. Exactement. Donc, c'est les gars de Autotune The News, de Songify This, la chanson de Unbreakable Kimmy Schmidt, dont on a parlé un petit peu avec, avec Gabriel Béaud tantôt. Mm-hmm. Et avant ça, c'était un remix aussi de Songify This, de la madame qui crie de pin-pin, il y a un feu dans sa maison. Oui. Au retour, c'est à ton tour. De au te retour, c'est à mon tour. Parler d'amour. Oh. Ah, sans la joie qui est ça. On parle pas fort. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89 ans. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 19 janvier 2016, Tania Baudin là. Oui, toi aussi, Mathieu Plante. Merci, absolument, absolument. Et par contre, tous les chemins mènent à toi en ce moment. Oh, peu vous importe. Êtes fin. Vous êtes fin. Est-ce que t'allais me vouvoyer, c'est toi qui es fine? Ouais, je m'enlève te vouvoyer. Je suis pas si vieux que ça non plus. Voici Tania, it's gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. C'est Tania. Salut! Ça va toujours? Ça va très bien. Oui, on parle message texte aujourd'hui. Je comprends vraiment pas à quoi tu veux en venir, mais ça m'intrigue. Ben, en fait, c'est un article que j'ai trouvé hier sur le fameux blog de la génération Y qui s'appelle elitedaily.com. Donc, évidemment, c'est un site qui est en anglais. Par contre, en lisant l'article, je me suis rendu compte que je pouvais très bien en parler, que ce soit en français, à la radio, parce que mon Dieu, que ce qui est dépeint dans l'article est tout à fait vrai. Okay. Et surtout, ça le relate très bien. Huh. Donc, en fait, quel est le titre exactement de cet article-là? Je vais vous le dire en anglais, je vais vous le traduire ou tu peux le traduire comme bon te semble. C'est drôle. Donc, le titre, Stop Texting, It's actually scientifically and psychologically fucking up your life. Arrêtez de texter, c'est scientifiquement et psychologiquement en train de défaire, de gâcher ta vie. Exactement. Voilà. Et c'est pas totalement faux. Non. Il faut l'avouer. Combien de fois par jour... T'en sers des messages textes tant que ça? Ben oui. J'écris quasiment plus de messages textes, je suis que Messenger. Oui, Messenger, ah, message texte, là-dedans. Ça compte là-dedans. Excuse-moi. Parce okay. que tu vas voir pourquoi est-ce que ça compte là-dedans. OK. Donc, en fait, l'article dure est quand même assez long, mais je vais... C'est décrit en 6 points et je vais vous faire ces 6 points-là parce que je pense que c'est ça qui est important de comprendre pourquoi est-ce que les messages textes, Messenger... tout ce qui est conversation textuelle. Oui, tout ce qui est conversation avec un joli petit téléphone cellulaire ou encore Facebook... La tablette. ...devient problématique. Oui. Oui, tablette aussi, ça rentre là-dedans. Je t'avais du mot tablette. Moi aussi, je trouve pas ça beau. C'est comme une bière tablette, c'est là. C'est vrai. Le point numéro un, en fait, pourquoi est-ce que ça nous détruit la vie comme ça? C'est le manque de communication non-verbale. Oui. Donc, cette espèce de physique-là qu'on a quand on a une conversation. Tu vois, là, je te parle, je gesticule. Oui. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça, on a un contact, on connecte. C'est ça. Mais là, on abuse d'émojis sur les textuels. Mais oui, parce qu'en fait, les émojis, c'est venu un peu justement pour essayer de mettre ces espèces d'expressions faciales-là puis tout ça. Parce qu'en fait, lorsqu'on va texter, écrire sur Messenger ou quoi que ce soit, bien, on n'aura pas d'expression faciale. On n'aura pas de variance dans la voix, donc ah, dans oui. ce qu'on écrit. Le sarcasme est difficile. Et voilà. On n'aura pas de langage corporel non plus. Donc, si on veut vraiment mettre de l'emphase sur un mot, eh bien, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des grosses lettres. Oui, ça a l'air de crier, là, ce temps-là. Et voilà, ça peut être très bien mal perçu par l'autre personne. Et c'est comme ça que parfois, ça va créer comme des espèces de tension entre les deux personnes qui s'écrivent, parce que là, t'es comme, OK, mais pourquoi est-ce que tu réagis de même? Mais vous le voyez aussi, je veux dire, je pense que tout le monde a vécu cette situation-là, oui. Où t'écris de ta façon, moi j'écris d'une façon particulière, mm-hmm. à tout le monde. Il y a des gens qui embarquent, il y a des gens qui embarquent pas. C'est ça. Ça arrive très souvent que je me refais revirer de bord parce que ma façon d'écrire est pas, c'est pas la leur. Tu parlais de sarcasme, l'humour en texto, c'est vraiment très difficile à savoir. Est-ce que c'est de l'humour normal? Est-ce que tu me fais une joke ou t'es pince sans rire? Ouais. Est-ce que t'es sarcastique? L'interprétation des jokes que les gens vont avoir lorsque vous textez ou que vous messenger, là, on va dire texter, ouais. là, pour moi, le besoin de la cause. Moi, j'appelle ça du textuel depuis tantôt. Ça me fait rire, ça sonne comme sexuel, vous comprenez le gag, ça. Bon, tout ça, ça peut être très mal perçu. Et c'est ça, en fait, qui va venir vraiment amener cette espèce de difficulté-là aux gens dans le manque de communication non-verbale. Parce que quand on est face à face avec une autre personne, c'est beaucoup plus facile de voir qu'elle est sarcastique. Ouais. Bien souvent, elle va avoir un petit sourire en coin ou bien souvent, vous allez le voir dans sa gestuelle. Mais là, vraiment, en message texte, c'est impossible. Il y a des gens qui ont essayé d'amener un petit symbole sarcastique. Je me rappelle pas c'était quoi, là, un petit mélange entre un point d'interrogation et un point d'exclamation, quelque chose comme ça, une icône qui serait genre un point sarcastique. Comme un point d'exclamation, un point d'interrogation, un point sarcastique. Évidemment, ça a été un échec total, mais l'idée est quand même bonne que tu finirais ta phrase par ce point spécial-là, mm-hmm. pour noter du sarcasme. C'est vrai, ça serait pas pire. Il y a aussi l'espèce de fameux petit singe. Oui. Qui peut comme amener une espèce de, soit de forme de gêne, soit de forme de sarcasme aussi, si tu fais une petite blague, puis t'es comme... C'est vrai. Moi, c'est la petite langue sortie par à côté, comme Smiley Cyrus, là. Oui. C'est ça que je fais, moi, quand je dis sarcasme. Bon, tu vois, même l'interprétation des emojis est pas la même pour tout le monde. C'est ça. Parce qu'on ne l'utilise pas tous nécessairement de la même façon. Excuse-moi de tout le temps de faire des parenthèses, mais j'ai vu un article hier parlant de la différence dans les emojis de différentes marques de téléphone. Ben, c'est vrai! Sur Apple, sur Android, en général de Google 5, ouais. et le Samsung, précisément, ont chacun leur sorte d'émoticône. Ouais, d'émoticône. Et le petit émoticône, genre de face par en bas sur Apple, qui a l'air un petit peu genre mesquin. Oui. Sur d'autres marques, c'est comme un gros bonhomme fâché rouge avec quasiment du feu qui sort des oreilles. Ouais. C'est pas pareil d'être c'est un pas, petit peu... C'est pas la même chose. Fait que des fois, l'interprétation des gens peut être parce que l'emoji est complètement différent. D'un appareil à l'autre. Et ça, c'est gênant, je trouve. T'as bien... Ça devrait être partout pareil. Le deuxième point, en fait, c'est la différence de la communication entre les hommes et les femmes. Parce que là, bien souvent, il faut se le dire, bien souvent, si on texte quelqu'un, on va texter avec le sexe opposé, sinon on texte avec un de nos amis. Mettons un grand pourcentage de la population. Là. Exactement. Tu sais, là, on peut rentrer là-dedans Tinder, mettons. Tinder, tous ces fameux sites de rencontres, Messenger, peu importe. Kijiji. Kijiji. Lorsque vous magasinez une femme sur Kijiji. C'est pas vrai. C'était le même dans le passé, hein. Ils ont juste enlevé récemment cette section. Ben, pas récemment. T'es sérieux, mais... tu pouvais t'acheter une femme? Sur Craigslist, et, il me semble que Kijiji, il y avait une section rencontre dessus. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Fait longtemps. Mais l'importance de cette fameuse communication par message texte-là est différente. L'échange d'informations, c'est simplement ça pour un homme. Je sais que ça diffère de certains hommes. Là, tu parce que je sais que, toi, personnellement, t'es pas nécessairement comme ça. Je pense que tu me connais, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça diffère aussi de chaque personne. Ouais. J'ai comme l'impression aussi que on peut rentrer aussi les gens qui sont très, très occupés dans leur vie. Exemple, les athlètes ici à l'université, que ce soit une fille ou un gars, ils sont occupés, ils vont s'entraîner. Donc, nécessairement, quand ils passent un message texte, c'est pour de l'échange d'informations direct. Ah, c'est patriote, hein? c'est maudit patriote! Donc, tout de suite après, lorsque l'échange d'informations est terminé, en théorie, le message texte est terminé. Ouais, c'est passé. Mais pour une femme... T'en veux plus tout le temps! Texter, là, j'ai comme l'impression que, je le dis, ça change d'une personne à une autre. Tu sais, notre perception de la communication n'est pas la même. Mais pour une femme, en temps normal, les études ont démontré que c'est comme une façon de créer des liens. Tu vas texter plus souvent pour, justement, chercher cette espèce de liaison-là avec l'autre personne. Tandis que pour un gars, ben si tu me poses une question, je vais te répondre. Mais après ça, j'ai rien d'autre à te dire parce que tu me poses pas, tu sais. Faudrait que, comme la femme, continue tout le temps de renchérir avec des questions pour que cette espèce de lien-là vienne s'accrocher. Moi, je suis un peu comme ça. Un lien d'habitude. Pourquoi je te texterais si j'ai rien à te demander? Mais toi, t'as une bonne grosse partie de gars en toi. Puis toi, t'as une grosse partie de fille. Une grosse partie de fille. Donc, vous voyez déjà, par temps, ça fonctionne pas, fait cette étude-là. Faites semblant qu'on est l'un l'autre. Mettons, toi, t'es un gars, moi, je suis une fille, dans ce qu'on va dire de ce qu'on vit, je pense. Exactement. Je pense que ça serait bien de le dépeindre comme ça. Il y a aussi un professeur de l'Institut Buffalo State aux États-Unis. Buffalo State. L'État de Buffalo. Monsieur Ronald D. Smith, qui est en fait un professeur de communication, qui lui dit que, comme je le disais, bien, les hommes communiquer, c'est vraiment de l'échange d'informations, tandis que les femmes, c'est de l'échange d'intimité. Ah, c'est beau ça. Tu sais, tu veux que ça soit romantique. Oui. Tu veux créer des liens avec quelqu'un, mais un homme, en temps normal, pour lui, c'est d'aller faire une activité. C'est-à-dire, ouais. tu peux, par exemple, jouer aux jeux vidéo. Ça va être beaucoup plus facile pour un homme de créer cette espèce de lien-là que la femme, la fille recherche par message texte en rencontrant la personne et en faisant une activité avec elle. Donc, de s'asseoir face à face, pour un gars, c'est plus facile de dire si tu cliques ou tu cliques pas que si vous faites juste vous écrire pendant une semaine et demie de temps. Mais c'est ça, on dirait, tu sais, là ça dépend, j'imagine, du contexte, mais sur Tinder, les gars, c'est pas mal tout le temps genre qu'est-ce que c'est ça, ouais, exactement. Netflix and chill. T'sais, c'est pas long, là, il y a 3 messages dans la conversation, là. Oui, moi, puis j'ai pas, aussi enlevé le bout de l'article qui dit « Souvent, un homme va vouloir regarder un film ». Oui. Moi, je l'ai enlevé, ça, parce qu'on le sait. On le sait déjà, mais Netflix c'est Netflix and chill, c'est pas la même chose. C'est ça qui donne une mauvaise image aux gars, je trouve. Mais c'est vrai que les gars être dépeints de façon très, très grossière. Et je dois avouer que, bien souvent, ça va être les filles qui vont être pires que les gars sur ça. Ah oui? Oui. Ah, eh bien. C'est tout ce que j'aime. Eh bien. Le troisième point, c'est l'espèce de faux pouvoir. OK. Là, je sais pas si tu me vois venir, mais... Est-ce que toi, quand tu textes quelqu'un, t'as l'impression de donner du pouvoir à cette personne-là? Non. Il va falloir que tu m'expliques plus que ça, okay. Mais j'ai pas l'impression. Oui, oui. Je vais te décrire cette espèce de pouvoir-là. En fait, la nouvelle définition du pouvoir est créée parce que, historiquement, le pouvoir, c'était l'habilité d'influencer ou de diriger quelqu'un vers d'autres choses. Donc, évidemment, si tu textes cette personne-là, tu lui donnes une espèce de pouvoir de réponse. C'est vrai. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu as la possibilité d'être ignoré. Oui, en effet. Tu sais, quand tu attends après un message texte toute la journée, qu'est-ce que tu te dis la première des choses? C'est... Elle veut plus de moi. Non, mais c'est elle qui tire les rênes. Ah, OK. Ou c'est lui qui tire les rênes, tu comprends? Ouais. Elle ne répond pas « j'attends après cette personne-là ». Oui. Ça te crée cette espèce de pouvoir-là que l'autre personne a le pouvoir de dire... oui ou non, peu importe la question. Et en fait, c'est que quand t'es face à face avec quelqu'un, tu peux pas ignorer quelqu'un, tu peux pas ignorer sa question. Non, oui. Alors, en message texte, c'est tellement facile. Tu sais, tu peux laisser ton téléphone là, être occupé. Y a pas de problème, ça, je vais y revenir, vous allez voir, ça fait partie des autres points. Mais par contre, face à face, t'as pas vraiment cette espèce de pouvoir-là parce que si la personne est assise devant toi et qu'elle répond pas, ouais, c'est bizarre. C'est comme il y a un manque mental, quelque chose, va-t'en, tu sais, tu comprends? Mais ça qui est difficile avec le textuel, tu sais, la fameuse règle de la balle de ping-pong, que tu sais, oui. Quand t'écris à quelqu'un, la balle de ping-pong est dans son camp, il faut t'attendre qu'elle te renvoie la balle, sinon t'as le droit à une autre chance, mais tu peux pas après ça revenir pour essayer de faire un autre service, finalement. C'est ça. La balle de ping-pong est de son bord. C'est ça qui est bizarre quand quelqu'un te répond tout le temps, mm-hmm. ça te crée une impression que peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous deux, peut-être. Mais que oui, c'est... parce que c'est ce que la génération d'aujourd'hui donne comme impression. Oui, c'est ça que je veux. Cette espèce de vulnérabilité-là ouais. À être en manque de pouvoir, tu comprends? Parce ouais. Que toi, tu veux une réponse, mais là, si t'as pas de réponse, est-ce que tu vas aller renchérir avec un autre message? Parce qu'en théorie, c'est pas à toi de répondre. Dans une conversation c'est normale, ça. L'autre personne aurait répondu. Mais oui. Là, si tu vas renchérir, tu te redonnes pas le pouvoir. Tu as doublement donné c'est le pouvoir. C'est vrai, ça. T'as raison. Mais oui. OK, je suis d'accord avec toi. C'est ce que la génération d'aujourd'hui donne comme problématique, en fait. C'est de tout temps écrire sur Messenger, sur Facebook, ouais. Sur Twitter, peu importe. C'est cette espèce de, justement, renchérir-là qui crée... le faux pouvoir. Ouais. Appelons-le vraiment le faux pouvoir, parce que c'est pas vraiment un vrai pouvoir. Si tu veux réécrire à l'autre personne, Moses, réécris-y, puis si tu comprends après un certain temps qu'il répondra pas, ben qu'il ouais. Mange la crotte. Ben comme on dit, tu sais, si la personne te répond pas une fois, c'est peut-être par hasard, par contexte, par, tu sais, mm-hmm. Il se passe quelque chose dans sa vie. Si elle te répond pas deux fois, ben c'est encore excusable, mais là, si elle te répond trois fois, il y a un message à comprendre, tu sais. Oui. Fait que des fois, les gens vont pousser la limite jusqu'à la troisième demande. En effet. Mais ça donne trois fois plus de pouvoir. Ou est-ce exponentiel? Est-ce que c'est deux fois plus de pouvoir à la deuxième fois? Ouh. Et quatre fois plus de pouvoir à l'autre fois d'après? On sait pas. On sait pas. On sait pas. C'est pas écrit. Le point numéro 4 du pourquoi texter ou écrire sur Messenger ou toutes ces fameuses sphères Internet. Textuel, vient détruire votre vie. Le point numéro 4, je pense que tu vas être d'accord, Mathieu, parce qu'on en parle quand même assez souvent. C'est l'espèce de message lu-reçu. Ah, le pire. Depuis que Facebook a inventé ça... Tu viens de le dire, c'est écrit textuellement comme ça dans l'article. C'est la pire invention au monde. De Facebook, parce que tout le monde l'a pris après, mais c'est venu, en tout cas, moi, ben, ce que j'ai vu. Quand tu avais d'iPhone à iPhone, tu l'avais, oui, ça. Oui, c'est vrai, mais tu pouvais le désactiver. Sur Facebook, tu peux pas le désactiver. Sur Facebook, c'est impossible de désactiver cette fameuse petite chose. Sachez-le, ça ne se fait pas. Sachez que sur téléphone, vous pouvez le faire. Oui, sauf que c'est vrai. Si vous pouvez pas envoyer de reçu de réception, vous pourrez pas en recevoir non plus. En tout cas, il y a comme un double sens. Je pense que non. Si l'autre personne l'a encore, toi, tu vas voir qu'elle a vu le tien, mais lui, il verra pas que tu as vu le sien. OK. Ça se peut, ouais. Ouais. Bref. Parce que je l'ai encore. Donc, en fait... Pourquoi est-ce que ça pourrit votre vie, cette espèce de petite icône qui dit qu'il a été lu, mais jamais répondu? Bien, en fait, c'est parce que, justement, ça veut pouvoir dire deux choses. Ouais. A, la personne est occupée, elle ne peut pas vous répondre immédiatement, mais sachez qu'elle a lu votre message. Ouais. Il y en a beaucoup qui, exemple, en auto, vont simplement ouvrir, répondront pas parce qu'ils ne veulent pas nécessairement texter, donc ça va être inscrit automatiquement, lu. Il y en a qui vont étudier, il y en a qui vont travailler. En réunion, bien souvent, ça va arriver, mais c'est traître parce que comme pas. Si tu ouvres ton téléphone avec Touch ID ou peu importe ton mot de passe, c'est que la dernière application qui était ouverte, c'était la conversation avec l'autre. Ça va être écrit lu. Tu veux même pas cliquer dessus, tu peux pas retourner à l'accueil sans que ça revienne dans Facebook tout seul. C'est ça. C'est traître en maudit. Puis même si tu le marques comme non lu, et ça, on l'a essayé pour en être sûr. Ouais. Mais quand tu marques un message comme non lu, toi, pour pouvoir te rappeler d'aller y répondre plus tard, l'autre personne, l'accusé de réception est déjà fait. Là. C'est ça. Donc lui, il a vu que tu l'as lu. Mais toi, en théorie, tu l'as lu, mais tu l'as réécrit comme non lu pour pouvoir penser de répondre. Parce que vu et lu n'est pas la même chose, non. Facebook, sachez-le. En effet. Ouais. Et en fait, la deuxième option, c'est que justement, elle va pas répondre, cette personne-là. Mmh. Elle l'a lu, elle l'a vu. Et là, vous allez vous faire ignorer. D'où, en fait, l'espèce de lien avec le faux pouvoir. Parce que là, justement, vient en ligne de compte, j'y réécris-tu pas ou j'attends? Est-ce que c'est pire, selon toi, les trois petits points qui font que la personne est en train d'écrire? Ça aussi, ça me met mal à l'aise. J'ai pas à savoir que t'es en train de taper une réponse. Ça, c'est sur Facebook, hein, tu reviens, tu repars, t'arrêtes, tu repars. Mais ça, je dois avouer que bien souvent, si la personne écrit un gros paragraphe, les trois petits points, à un moment donné, vont s'en aller. Ouais, puis après ça, quand le message va arriver, ouais, exactement. Mais c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Mais ça, c'est un problème de Facebook. Moi, je suis moins... on dirait que je suis moins Facebook, je suis plus comme texto. Message texte. Mais message texte de iPhone à iPhone, il y a aussi les trois petits points. Oui, c'est vrai. C'est aussi gossant. Mais c'est aussi gossant parce que oui, quand tu écris un long paragraphe, ça va faire la même chose, ça va disparaître, par la suite, ça va réapparaître. Je comprends pas cet intérêt-là. Je comprends pas. C'est peut-être simplement de l'économie de quelque chose sur le téléphone. Ouais, non. Je sais, on adhère pas, mais bon. Donc, en fait, cette espèce de message-là, je le disais, c'est la pire invention au monde parce que, en fait, ça crée une espèce de domination de l'autre personne sur vous. Ouais. Tu dis que tu vas attendre, mais là, tu vas aussi venir... créer une espèce d'anxiété de ce côté-là. Pourquoi elle me répond pas? Tellement. OK, mais là, je t'ai posé une question. Ah oui? Pourquoi tu réponds pas? Ah oui? Ça gauche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça t'aide? Tu comprends? Il y a cette espèce d'urgence-là de devoir répondre aussi quand toi, tu viens de lire. Oui. Mais tu peux pas nécessairement répondre tout de suite. Ça te crée une espèce d'urgence, d'espèce d'euphorie aussi de faire comme, oh là, vas-tu penser que je suis fâchée si je lui réponds pas tout de suite? Elle va avoir lu que je l'ai lu. Moi, tu vois, il y a des conversations sur lesquelles je m'en fais même plus avec ça. Oui, il y a des personnes avec qui je m'en fais plus non plus, c'est ça. Mais bon, c'est pas le fun. Mais... Ils disent qu'il faut choisir ses combats. Hein? C'est exact. T'as perdu le tien, mon champion. Ouais. le cinquième point, en fait, c'est l'espèce de création des mauvais menteurs. En fait, pourquoi est-ce que texter, ça va créer de mauvais menteurs? Bien là, si justement, on a passé l'étape du petit rond qui dit que ça a été lu ou que ça a été écrit, à telle heure, Mais là, plusieurs heures après, la personne doit vous écrire « Je suis désolée, j'ai pas vu ton message. » Non, faux. Non, mais moi pas. Je l'ai vu que tu l'as lu. Il l'a vu. Il l'a pas nécessairement lu à l'heure où la pastille apparaît. Exactement. Ça, c'est traître aussi. C'est cette espèce de... comment je pourrais dire? Cette espèce de questionnement-là à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Parce que vous pouvez aussi très bien répondre « Oh, je suis désolée, j'ai pas regardé mon téléphone de la journée. Oui. » Mais ça va avoir écrit que ça a été lu ou que ça a été vu. Des fois, il y a des problèmes de réseau aussi. C'est, aussi. Des fois, il y a des messages que ça a pris plusieurs jours avant que je les reçoive alors que l'autre personne m'avait montré sur son cell qu'elle avait envoyé. Mm-hmm. Ça arrive, ça. C'est pas faux, ça. Je mens pas. En fait, mentez pas à dire que c'est pas parce que vous avez pas vu le message ou parce que vous aviez pas votre téléphone. Faites simplement dire « j'ai pas eu le temps de te répondre » ou « j'ai pas pensé ». J'ai remis ça plus tard, ben ouais. C'est ça, j'y ai pas repensé. C'est la création de mensonges pour te faire comme pardonner. Tout à fait. De pas avoir répondu. Puis mais si t'as pas répondu, dis-y pourquoi t'as pas répondu. Assume-toi, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Assume-toi. Puis de toute façon, si vous commencez une nouvelle relation, mettons, d'amoureuse peut-être un jour, commencez avec des mensonges sur Facebook, peut-être pas la meilleure façon. Non, on est. Je veux pas vous dire quoi faire. Moi non plus. Mais commencer sur des mensonges, c'est jamais bien fort. Hein? Si le problème, c'est parce que tu sais plus c'est laquelle à qui t'écris. Genre, faut que t'ailles étudier sur son cas pour te rappeler de ce que t'avais dit. T'sais, exactement. Il faut que tu relèves 2-3 messages pour savoir c'était quoi la fameuse conversation parce que t'en as 42, madame, comme ça, avec qui t'écris. Ben, arrêtez d'écrire, t'sais. Genre. Choisissez votre combat. Exact. Ça fait dur. En effet. Ça fait dur. Le sixième point du pourquoi est-ce que cette espèce de... textage textuel là vient détruire notre vie. Je veux pas t'en servir de mon expression, je l'aime bien. Je sais. Mais regardez pour moi. C'est la conversation sans fin. Ah, OK. Comme l'histoire sans fin, t'as-tu déjà vu le film? Non. T'as jamais vu le film L'histoire sans fin? Non. Oh mon Dieu. Outrage, hein? Outrage. Mais t'as... Tout à fait, outrage. Ouais. Mais en fait, c'est que si tu... bien souvent une conversation, là je parle pas de toi puis moi, mettons, parce que je pense que nous on le fait ça, mais bien souvent les gens vont pas commencer une conversation message texte ou messenger par « salut ». C'est vrai. T'as raison. Ça va soit commencer par une question, oui. Ça va soit commencer par une affirmation. Ça m'énerve un peu. Parce que les gens ne font plus une conversation comme ils feraient une conversation face à face. C'est pas un début puis une fin. Il n'y a pas de bonne nuit à la fin tout le temps non exactement. Plus. Exactement. Moi, je suis comme ça. J'aime mettre un début puis une fin moi à ce aussi. Que je te dis. Parce que sinon, demain, là, si tu viens me repitcher la même affaire que tu m'as pitché dans la face, hier, ça se peut que je te réponde « Excuse, c'était fini, ça. » C'est ça. C'est je trouve ça bête. C'est hier. Ça fait un peu comme dans les films d'Hollywood, quand ils disent jamais « Bonjour, au revoir ». Exactement. « On se voit à telle place. » Telle heure. Mais ils raccrochent. Ouais. C'est pas naturel. Vrai. Non, c'est pas naturel comme parce que dans la vraie vie, tu vas faire « Hey, salut, comment ça va? » Oui. Pourquoi est-ce que tu l'écris pas, ça? T'es-tu pas intéressé à savoir comment la personne va? C'est parce que t'écris à la personne juste pour en retirer quelque chose. Puis exactement. Moi, ça, je les vois venir de loin, ces gens-là, puis ça m'énerve. C'est ça. Ouais. C'est ça, la différence. Mm-hmm. Mais cette espèce de « enfin », là aussi, elle peut très bien naître avec une conversation « Hey, salut, comment ça va? Ouais. » C'est l'espèce d'échange de toi, tu réponds, moi, je réponds. Toi, tu réponds, moi, je réponds. Toute la journée. Oui, ping-pong, ping-pong. C'est ça. Mm-hmm. Toute la journée, ça peut recommencer le lendemain aussi. Toi, comment ça va? Mais tu trouves pas ça genre vraiment le fun, ces conversations? Moi, j'aime ça. Ça dépend. Parce que tu peux tu peux avoir des conversations qui sont pas très, très enlevantes, là, avec « Hey, comment ça va? » Puis « Quoi neuf? » OK, après ça, tu sais que t'as plus rien à dire ouais. parce que l'autre personne, bien évidemment, elle veut pas te parler. Mais... Il ouais. y a d'autres conversations que t'as quelque chose justement à renchérir. Puis comment ça va dans ta journée ou tu sais, peu importe. Bien souvent, ce genre de conversation-là va arriver avec ses amis beaucoup plus rapidement ouais. qu'avec quelqu'un que tu viens de rencontrer et que tu échanges un message texte avec. Par contre, qu'est-ce que ça amène, cette espèce de conversation sans fin-là? C'est que ça donne pas la chance à l'autre personne de s'ennuyer de vous. Oh, bon point, j'avais pas pensé à ça. Ça donne pas la chance à quelqu'un de dire « Oh my God, hey, je suis en train de penser à cette personne-là. » Ouais. Tu comprends? « Oh my God! » »« Oh my God! » Tu t'arrives pas à le faire parce qu'en fait, t'es tout le temps en train d'écrire à cette personne-là. Ouais. Donc, veux, veux pas, t'es tout le temps en train de penser à cette personne-là. Ça crée une écœurantite aiguë des gens. Ouais. Parce que, veux, veux pas, même si tu passes 3 heures sans écrire à cette personne-là, le fait que tu lui écris tout le temps, à tous les jours, ou que vous envoyez des messages à tous les jours... De chaque côté, ça m'a envoyé cette espèce d'impression-là que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer chacun de l'autre. Vous n'avez pas le temps de faire « Hey, il faudrait que j'écrive à cette personne-là. » Ça fait... Tu sais, comme ça fait un bout ouais. que j'ai pas parlé. Parce qu'en théorie, créer une espèce de relation, ça se base pas en 3 messages textes. On s'entend. Ça prend du temps. Yeah. OK? Mais de l'effort un peu. Mm-hmm. On apprend de nos erreurs. OK. OK. Chacun de notre bord, en passant. C'est ça. Oui, c'est ça. Faites attention. Ouais, Mathieu et moi, on n'est pas en relation. Mais it's complicated, quand même. Mais it's complicated, puis on connaît pas mal nos histoires. Donc, c'est cette espèce d'écœurantite aiguë-là que ça va créer chez l'autre, mais aussi chez vous. Oui. Parce qu'en fait, tu vas tout le temps dire, OK, mais là, tu sais, veux-tu bien me laisser travailler ou... Mais c'est que ça donne l'impression que t'es pas super occupé, tu sais. Ça donne l'impression que t'es pas... rien à foutre de ta vie. Exactement. Un. Deux, ça donne peut-être l'impression que t'es trop facile. Ouais, oh, parce désespéré. Parce que tu réponds tout le temps. Ouais, exactement, oui, exactement, désespéré, tu réponds tout le temps. Ça, j'ai l'air d'être. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a aussi cette espèce de respect-là, puis de... pas de générosité, mais d'être une bonne personne, point. Ouais. Tu sais, si je te réponds tout de suite, c'est parce que je veux te répondre tout de suite. Mm-hmm. Faut arrêter de jouer la game du... fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te... Je sais pas si je l'ai dit comme ouais, ça. Non, mais on suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Cette espèce de couraillage-là. Arrêtez de penser que vous devez être dur à attraper. C'est pas nécessairement vrai. Si la personne a un intérêt envers vous, elle a un intérêt envers vous. Ouais. Ce que je veux dire par la conversation sans fin, c'est que vous pouvez espacer vos messages avec cette personne-là. De combien de temps? Si vous écrivez le matin, vous pouvez très bien lui réécrire en soirée. Ah, dans la même journée. Ah, puis comment a été ta journée? Parce que là, tu vas avoir quelque chose d'intéressant à dire. Oui. Tu vas raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. Et pas en temps réel ou en temps réel, des fois, c'est plate. Exactement. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille. Ouais. Tu sais, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vrai. Si vous attendez 2-3 jours, automatiquement, il va y avoir quelque chose de plus à dire, à moins que vraiment là, l'intérêt soit pas vraiment là et que la personne fasse comme, bah, tu sais, comme... Ben, c'est ça le problème, c'est quand les gens... Je suis occupée, tu sais, je peux pas te parler parce que ça se peut très bien. Ouais. On n'a pas tous les mêmes vies. Faut arrêter de penser que quand nous, on est disponible à texter quelqu'un, l'autre personne est disponible à répondre. C'est ça, c'est pas tout le monde non plus qui peut texter au travail. C'est bien vu, tu sais. Mais ça. Non, c'est ce qui est difficile dans les relations, c'est ça, c'est quand... Parce que tu te dis que si la personne n'était pas nécessairement intéressée, elle arrêtait de te parler. On a déjà tous vécu ça mais dans oui. la vie. Genre des « Ah, je suis occupé, je m'en couche, je m'en vais, je suis pas là. » Tu sais, ça, on comprend vite le message. Mais quand la balle se renvoie tout au long de la journée ou plusieurs fois par jour, tu commences par peut-être te faire des petites impressions que peut-être que ça pourrait peut-être. T'sais. Peut-être que ça pourrait peut-être. Il y a aussi, moi, personnellement, j'ajouterais à ça l'heure. L'heure. L'heure à laquelle vous faites toujours texter. OK. Si la personne que vous textez vous texte toujours aux alentours de 10h30 le soir. Puis que tu es en train de te coucher à ce temps-là. Ou 11h. Puis toi, tu t'apprêtes à aller te coucher. Et premièrement, A, pose-toi la question s'il est à jeun. B, pose-toi la question s'il veut vraiment s'intéresser à toi. Et 3, pose-toi la question, veux-tu pas simplement Netflix and chill? Et voilà. Ça va peut-être te donner une bonne idée sur la direction de cette espèce de relation-là que vous avez. Par message texte seulement. Oui. Parce qu'on doit l'avouer, ça existe des gars et des filles aussi qui vont juste te texter aux alentours de 10h30 pour pas dormir seule le soir. Ah ouais, c'est... OK. Ben ah, oui, c'est la génération d'aujourd'hui. Ah ben! Et aussi, faut se demander si c'est tout le temps toi qui écris en premier à l'autre personne, mettons. Oui. T'sais. Mais ça, oui... L'autre s'attend à ce que tu y écris ou c'est correct comme ça? Ou? Ben, ça va se voir surtout entre une fille et un gars. Tu sais, ouais. Une fille va tout le temps dire « OK, mais il m'écrit jamais en premier, puis moi, je vais attendre. » Parce que en théorie, c'est le gars qui fait les premiers pas. Oh. Tu comprends? Oh. C'est encore là, ça, mais faut arrêter de penser comme oui, ça. Oui, s'il vous plaît. Si tu veux écrire à quelqu'un, écris-y. Fait que c'est correct, c'est normal. Ouais. Dans le fond, c'est même... c'est comme si c'est accepté que ce soit moi qui écrive en premier tout le temps. Ben, moi, je vois ça comme ça. Okay. Si la personne n'est pas assez intelligente pour te dire qu'elle n'est pas intéressée, ben là, c'est son problème. Ben, ça, c'est sûr que c'est un problème. Bref, hey, un petit craque de dating à un moment donné. Ouais, hein? Tu vois, à ligne ouverte, ça va répondre à tous vos problèmes. Parce non. que c'est intéressant. C'est pas vrai. Fiez-vous mais... pas sur elle. Oui. Mais je vous parlais aussi, je veux juste faire un petit retour vite fait, bien fait. En fait, sur la création des mauvais menteurs, parce que je disais tout à l'heure, tu sais, j'ai pas vu ton message texte. Il y en a qui vont être occupés vraiment pendant le moment, qui oui. vont dire, exemple, j'étais chez ma sœur, j'avais un souper en famille, blablabla. Bla, bla. C'est correct, ça, de répondre ça. C'est la vérité. Oui. Si vous étiez occupé ailleurs, puis que votre téléphone était dans votre poche ou dans votre sacoche, c'est correct de mettre votre téléphone à part pour vivre le moment présent. Oui. Puis en 2003, il y a une étude qui a été faite. C'est Christopher R. Long et James R. Averill qui ont trouvé que la solitude est cruciale présentement dans notre génération pour le développement de soi-même. Mm-hmm. Donc, cette espèce de dépendance à tout ce qui est texter quelqu'un au bout de son téléphone à toutes les 5 minutes. Laissez votre téléphone dans votre chambre pour plus de 30 minutes le soir. Vous allez voir. Hey, as-tu vu le nouveau setting dans iOS 9.3? Là, ouais. Que maintenant, ça va tu peux programmer l'heure que ça commence, mais ça peut baisser ta lumière bleue à de la lumière un petit peu plus jaune. OK. Puis c'est supposé te faire mieux dormir, tes cycles circadiens va être plus dans l'ordre parce que c'est la lumière bleue des appareils électroniques, on s'en rend pas compte. Ouais. Tous les gens vont dire ça m'empêche pas de dormir, blablabla. Mais ça t'empêche d'aussi bien dormir que tu pourrais si t'avais pas tes gadgets. Ah ouais, je savais pas ça. Lumière jaune à la place de lumière bleue, essayez ça dans la bêta d'iOS 9.3. Ben une parenthèse dans ta chronique comme ça. Ben ouais, hein? C'est correct. Ouais, j'accepte. Merci. Puis je vous parlais des gens qui vous appellent très tard le soir. J'ai trouvé une chanson qui va très bien dans cette optique-là. Oui. En fait, c'est Arctic Monkeys et c'est Why Do You Only Call Me When You're High? Et on va écouter ça à la fin de l'émission, bien oui. sûr, comme on le fait quand on dépasse. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Pour ta chronique, Tania is gonna entertain you. Voilà, c'est tout pour Assemblage requis pour aujourd'hui. Malheureusement, une autre édition qui se termine. On va être de retour demain. Pour aujourd'hui, par contre, on remercie bien évidemment nos chroniqueurs. Jimmy Thibodeau pour C'est dans le monde que ça se passe, ainsi que Gabriel Béhoud pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Demain, comme ça, on est mercredi, donc on va voir Sébastien F. Gartin à 8h pour son bulletin Gartin. Et à 8h30, on va faire le tour d'Internet dans Google Globe avec Frédéric Bernard. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes aujourd'hui à 11h, ne manquez pas Dîner de con avec Danny Janvier, l'émission qui joint l'inutile à l'agréable. Mm-hmm. Ensuite, à 15h, on est mardi, c'est ça, à 13h, pardon, il y a Rock de Neurones. À 15h, nous serons de retour, toi et moi, pour Les Palmarès, c'est fou, l'émission qui fait le décompte des 40 meilleures pièces de la station en ce moment. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, c'est Matière noire avec du métal progressif. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci, Tania Baudelaire. Merci, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Colin, qu'on parle plus calmement sur une chanson avec de la guitare en arrière. C'est vrai. Hein? C'est pas pareil, pas en tout. Pas en tout. C'est bon, on aime ça. C'est juste très différent. Alors, merci à Vanessa Parietard pour la version instrumentale et, comment dire, acoustique de notre chanson thème. Et comme tu l'as dit, on se quitte avec ta pièce de Arctic Monkeys. Et on se retrouve demain. Bye. Bye. Bon café. Ah, mais...